Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue donc à Eure, au campus Biovallée, et puis bienvenue à vous qui êtes à distance. Alors, on ne vous voit pas, désolé, mais on aurait aimé. Bienvenue donc à vous tous depuis vos bureaux, bien évidemment. Alors, nous espérons, pour ceux qui sont à distance, que vous nous entendez et que vous nous voyez bien. Avec le système de webconférence que nous utilisons pour la première fois en si grand nombre. C'est une nouvelle modalité qu'on utilise plutôt pour des petits groupes de travail, des sessions de 10-12 personnes, où là on peut chacun se voir. Là on est dans un système avec un grand nombre de participants à distance. Donc normalement, pour les participants à distance, vous avez reçu les consignes et vous pourrez interagir à partir des chats que nous allons traiter au fur et à mesure. Alors, bienvenue à cette première conférence d'Innov Rural. C'est l'événement annuel du réseau rural Rhône-Alpes qui prend cette année une nouvelle forme. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous êtes, alors du coup, comme on ne sait pas si tous les webconférenciers se sont connectés, mais vous êtes a priori 125, alors en présentiel ici, 65, et 60 en webconférence, 125 participants, donc vous êtes élus locaux. Vous êtes agent de développement, chargé de mission de collectivité, de consulaire et d'association. Vous êtes aussi chef de service de structure publique. Vous êtes formateur, vous êtes étudiant, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes partenaire de CAP Rural, mais aussi vous êtes membre de la société civile organisée, porteur de projets collectifs, enfin. J'espère que je n'oublie pas trop de grandes catégories et toutes mes excuses pour ceux qui se sentiraient très frustrés. Bref, je trouve que c'est une très belle assemblée, très diversifiée et qui devrait donc nous permettre d'avoir des débats riches. Alors, je dois quand même faire un petit signe à des personnes qui sont présentes ici ou qui sont à distance, c'est notamment les réseaux ruraux voisins, donc je pense au réseau rural Auvergne. Je pense également aux nouveaux animateurs du réseau rural PACA. Et puis, je cite aussi donc la correspondante du réseau rural européen depuis son bureau. Alors, avant d'aborder le programme de cette matinée, de cette conférence, quelques points généraux sur Innov Rural et sur le thème d'Innov Rural. Déjà, juste sur l'organisation, au sein de CAP Rural, nous avons créé une équipe projet, dont je suis le référent. Et donc il y a Jean-Philippe Jameau que vous avez vu tout à l'heure à l'accueil. Ah ben il est là. Et puis David Chomantowski qui constitue donc cette équipe. Moi je dis que c'est la Dream Team. Pourquoi? Parce que nous sommes trois hommes au sein de CAP Rural et il se trouve que par le fait du hasard, nous sommes tous les trois cette année sur Innov Rural. Alors c'est pas très parité, mais bon, tant pis, hein. Nos collègues féminines acceptent quand même le deal. Voilà pour l'organisation. Je voudrais quand même remercier spécifiquement Jean-Philippe et David, qui ont, au-delà du travail sur le fond, sur le contenu, se sont coltinés toute la partie logistique, technique, webconférence et tout ça, et ils y ont passé quelques minutes. Alors nous sommes ici à Eure au campus Biovallée, lieu que nous connaissons bien, que nous utilisons de temps en temps. Alors je voulais en profiter pour saluer le vice-président Jean-Marc Bouvier, mais je crois qu'il n'est pas là, il a dû s'excuser au dernier moment, vice-président de la CCVD. Alors la CCVD, communauté de communes du Val-de-Drôme ou la vallée de la Drôme, c'est un territoire rural, quoique, peut-être on pourra en parler tout à l'heure. En tout cas, c'est un territoire qui est riche d'initiatives foisonnantes et de projets de transition multiples. On peut citer les transitions économiques, les transitions sociales, environnementales. En tout cas, il me semble une bonne chose qu'on soit ici pour commencer cette première conférence d'Innov Rural, pour parler de nouvelles économies et de nouveaux territoires. Alors, tant que je suis sur la CCVD, un petit clin d'œil aussi à Nathalie Ange-Garnier, qui gère ce lieu avec professionnalisme et beaucoup de disponibilité, et qui nous a bien aidé à organiser cette conférence. Alors, Innov Rural 2017, c'est quoi? C'est un processus progressif. C'est une montée en puissance sur le thème des nouvelles économies, des nouvelles formes d'économie dans les territoires ruraux et périurbains en Rhône-Alpes. Ce choix de sujet a été fait par la commission CAP Rural. CAP Rural maintenant a une commission depuis 2014 qui oriente l'action CAP Rural et On a proposé trois sujets à la commission du mois d'octobre, et très rapidement, les membres de la commission sont tombés d'accord sur il faut vraiment traiter la question de l'économie, des formes d'économie dans les territoires ruraux, des nouvelles formes d'économie. Donc le choix était très très facile à faire. Alors quel est l'objectif pour Cap Rural, pardon, sur cette session d'Innov Rural 2017? Donc Cap Rural vous invite, en tant qu'acteur du développement, à prendre en compte les transitions qui sont à l'œuvre pour adapter vos stratégies et vos modalités d'accompagnement des porteurs de projets. La finalité pour Cap Rural, c'est des activités, des entreprises, des emplois et des services pour continuer à faire des espaces ruraux des territoires vivants et attractifs. Alors tout cela, bien sûr, dans un contexte de révolution numérique, d'évolution des modes de vie, de travail et de l'entrepreneuriat, de redistribution aussi des compétences après les réformes territoriales, d'enjeux et d'appétits nouveaux. On pense à des filières innovantes, on pense aux énergies renouvelables, on pense aux stratégies alimentaires territoriales, mais il y en a bien d'autres, bien sûr. Alors, les différentes séquences d'Innov Rural 2017, donc une première conférence ce matin de décryptage des tendances de l'économie rurale en 2017 et des enjeux sociétaux qui impactent sur les dynamiques économiques des territoires ruraux et périurbains. Donc on reviendra tout à l'heure, bien sûr, sur le détail de cette conférence. Il y aura une seconde conférence le 6 juin. Le lieu reste à déterminer, mais on pense que ça sera dans les monts du Lyonnais, qui visera à présenter deux expériences volontaristes d'acteurs de développement dans le domaine économique, avec une prise de recul par un expert. Et donc on souhaite pouvoir organiser cela en présentiel, comme ici, mais également en webconférence. Et puis, il y aura la journée annuelle le 8 septembre prochain. On reviendra sur le lieu tout à l'heure, en fin de matinée. Cette journée a pour objectif, à partir d'expériences et de personnes ressources, de proposer des méthodes et des actions pour impulser, accompagner le développement économique et les nouvelles formes d'économie dans le rural. Juste un petit retour sur le visuel. Il peut paraître un peu végétal, mais il n'est pas du tout végétal. Il n'est pas que végétal. En tout cas, vous avez une gousse de petits pois, et à l'intérieur, vous avez des choses qui bougent. Et ces choses qui bougent, c'est ce qu'on va essayer de décrypter tout au long de cette Innov Rural. D'ailleurs, on a des lignes en mouvement autour de la gousse, et puis vous voyez des pictos avec différents types d'activités qui se développent, qui existent, qui se régénèrent. Et il y a les trois petits points, qui montrent qu'il y a encore plein d'imagination à avoir pour des territoires ruraux vivants. Et puis, on va dire le slogan de l'année, c'est économie, ça bouge en rural. Alors, pour le programme de la demi-journée, donc de 10h à 12h, comprendre les lignes en mouvement, avec Denis Lépicier, mais je ne le présente pas, et Thierry Pêche, parce que c'est Hélène qui va animer la conférence, qui le fera mieux que moi. De 12h à 12h30, nous présenterons, Cap Rural, donc par sa directrice et par Geneviève, présenterons le programme d'action et les priorités de Cap Rural. C'est important, on est encore un peu en début d'année, mais on n'est pas encore tout à fait en milieu d'année, donc ça nous paraît important de partager avec vous ce qui va faire un peu les lignes de force de Cap Rural. Et puis pour ceux qui sont présents ici et qui l'ont indiqué, ben vous pourrez partager le buffet, on le fera à l'extérieur puisqu'on a la chance d'avoir le soleil. Je crois que j'ai tout dit. Peut-être si une dernière petite recommandation, vous n'oublierez pas à 12h30 de réallumer vos portables. Comme ça, vous pourrez à nouveau être dans le monde extérieur. Donc n'oubliez pas, à 12h30. Ça va? On est prêt? Alors, je vais laisser la parole à Hélène, qui va donc animer la conférence. Bienvenue. Merci. Je peux prendre le siège ici. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Hélène Bustos, je suis journaliste. Je travaille pour l'Agence de diffusion et d'information rurale, qui est une association dont l'activité principale et la production et l'édition de la revue Transrural Initiative. Cette association est portée par des structures du développement agricole et rural, parmi lesquelles, notamment et avec plaisir, depuis le début de cette année, on peut compter Cap Rural. Il y a aussi une autre structure, donc plus développement agricole, qui s'appelle Réseau CIVAM. Je le précise parce qu'un des intervenants que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui, donc Denis Lépicier, est bénévole administrateur de cette association, ce qui fait que donc je le connais bien, d'où le fait que j'aurais peine à éviter le tutoiement pendant cette matinée que nous allons passer ensemble. Donc Denis, toi tu es économiste, ingénieur donc à AgroSup Dijon. Tu travailles plus précisément donc au CESER, le centre d'économie et de sociologie appliquée à l'agriculture et aux espaces ruraux. Tu travailles plus précisément sur l'analyse et l'évolution des politiques publiques, notamment, entre autres choses. Et voilà, tu as par exemple coordonné assez récemment un ouvrage donc, sur une comparaison de l'évolution des politiques publiques en Union de développement rural dans l'Union européenne. Nous accueillons aussi donc Thierry Pech, que j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui. Donc toi Thierry, comme c'est indiqué, tu es directeur général du think tank Terra Nova, qui se dépeint comme, je cite, progressiste et indépendant, et qui se donne pour but de produire et diffuser des idées et solutions politiques innovantes en France et en Europe. Dans ce cadre, tu as récemment co-présidé un groupe de travail sur l'apport de la transition numérique pour les territoires isolés, dont les propositions et conclusions sont parues dans un rapport donc publié en janvier de cette année. Donc, comme Patrick l'a rappelé, l'idée de cette heure qu'on va passer ensemble avec vous deux avant de passer à un temps d'échange et de questions, c'est de se faire une idée un petit peu plus précise sur les tendances de l'économie dans les territoires ruraux aujourd'hui et de repérer, discuter aussi des enjeux de société en lien avec ces tendances. Donc peut-être pour commencer, avant de rentrer directement, enfin et de tenter le délicat exercice de caractériser finalement le poids du rural dans l'économie, Denis, il te semblait important, intéressant de souligner l'évolution même de la notion de rural. Donc, est-ce que tu peux, pour quelques minutes, nous en parler? Oui, donc bonjour à tous. Je pense que la question du rural et de sa définition est toujours un peu un serpent de mer, de savoir, quand on parle du rural, en fait, de quoi on parle. C'est intéressant de regarder notamment comment cette notion-là est à la fois perçue dans la tête de chacun d'entre nous et ensuite comment elle est aussi définie, notamment à travers les appareils statistiques qui donnent aussi une vision de la façon dont on appréhende le rural. Et quand on regarde de ce point de vue-là, effectivement, en France, par exemple, on a historiquement une approche très fonctionnaliste de la définition du rural. Donc on va le voir notamment en identifiant la polarisation des emplois, en identifiant les relations entre les différents espaces, notamment à travers les navettes domicile-travail, entre les lieux d'emploi et les lieux de résidence, et qui conduit à une vision assez différente, par exemple, de celle qu'on peut trouver aux Pays-Bas, par exemple, qui a d'emblée une vision beaucoup plus liée au cadre de vie, et la définition du rural va essentiellement être définie en termes de densité de population. Donc juste si on regarde en France, clairement là, à travers les différents, ce qu'on appelle les zonages des espaces, des territoires en France, on voit vraiment une évolution assez nette depuis le rural dans les années avant les années 90, qui était, une constante, c'est que globalement le rural est souvent défini en creux par rapport à ce qu'est l'urbain. Donc ça, c'est un peu une constante dans la définition française, mais où on constate par exemple que avant les années 90, on parlait des zones de population industrielle et urbaine, dans lesquelles l'urbain, c'était effectivement les zones évidemment à forte densité, dans lesquelles il y avait beaucoup d'emplois, et aussi dans lesquelles il y avait un taux d'emploi agricole plus faible qu'ailleurs. Et donc, clairement, avec ce type de zonage-là, avec la diminution forte et progressive de l'emploi, du taux d'emploi agricole dans l'économie, bah, très vite, on s'est retrouvé à ce que quasiment l'intégralité du territoire se retrouve dans cette définition des zones de peuplement industriel et urbain. Ce qui fait que ça nous a amené, au niveau de l'INSEE notamment, à faire évoluer la grille d'analyse du rural, hein, qui on a passé dans les années des années 90, c'est ce qu'on appelait le zonage en aire urbaine et les espaces ruraux, hein, où donc là on a défini ce qu'on appelait les espaces à dominante urbaine, des espaces à dominante rurale, hein, dans lequel on définissait effectivement les deux critères, c'est la taille des pôles urbains en nombre d'emplois, et puis ensuite un seuil qui a été fixé à 40% de population qui réside à un endroit mais qui travaille dans les pôles urbains, qui définissait, hein, du coup, cette notion de périurbain, hein, dans lequel on a effectivement une partie importante de la population, plus de 40%, qui va travailler dans les pôles urbains. Et donc, on parlait encore clairement d'espace rural dans cette période-là. Et donc, depuis 2000, je pourrais rentrer plus dans une précision après si vous le souhaitez, mais dans la période récente, ce qui est assez illustratif, hein, de la dilution de cette notion du rural, c'est que dans le dernier, alors je vais vous l'illustrer juste avec certainement... Voilà, cette cartographie des espaces que probablement vous connaissez, hein, qui est le zonage en aire urbaine actuel de utilisé notamment par l'INSEE, mais qui est aussi beaucoup utilisé pour l'analyse, hein, des dynamiques socio-économiques au niveau des territoires. Et donc là, clairement, qui est un zonage donc, qui ne parle plus directement du rural, hein, mais qui appréhende le territoire vraiment en différentes autour des aires urbaines de différentes tailles. Donc on parle des grandes aires urbaines de plus de 10 000 emplois, des aires urbaines de taille moyenne entre 5 000 et 10 000 emplois, et puis des aires urbaines de petite taille entre 1 500 et 5 000 emplois. Et le rural, clairement, il est défini à travers, hein, ce maillage urbain de différentes tailles. Et si on regarde vraiment ce qui reste de rural dans ce type de zonage-là, ça représente plus qu'en gros 5% de la population française. Donc on voit bien que voilà, cette définition, elle évolue. Et juste pour effectivement finir, parce que je mobiliserai quelques éléments aussi issus de la définition plutôt là d'Eurostat, donc de l'Union européenne, qui elle tranche avec cette définition française, puisqu'elle repart de la définition à partir des densités de population pour caractériser le rural. Hein, et donc là, en gros, on arrive à l'échelle française plutôt autour de 25% de population considérée habitants en rural, si on prend ces définitions-là. Et puis, juste vraiment pour terminer, il faut bien voir que ces définitions-là, qui sont vraiment, vous voyez, sur des critères fonctionnels, elles sont quand même assez éloignées de ce que les perceptions qu'ont les habitants de ce qu'est le rural, hein, puisque au milieu des années 2000, en 2006-2007, il y a eu un qui interrogeait les Français en ville, en zone périurbaine ou dans le rural, comment ils qualifiaient l'espace dans lequel ils vivaient. Et en gros, 80% de la population estime, enfin, on va dire qu'il n'est pas dans des centres-villes urbains, estime vivre dans du rural. Hein, ça veut dire que la grande majorité des habitants du périurbain notamment, y compris du périurbain des grandes villes, appréhendent leur territoire plutôt comme rural. Donc on voit bien qu'il y a, voilà, une échelle de caractérisation, d'appréhension de son territoire très, très variable. Peut-être Thierry, donc voilà, au-delà ou parallèlement à ce que Denis tu viens de nous présenter, sur ce changement, cette évolution de la considération de la notion même de rural, il y a aussi des interdépendances urbaines-rurales que tu pensais intéressantes à souligner. Alors moi, contrairement à mon camarade de gauche, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, je suis là au titre de, disons, d'observateur des transformations de la société française en général et là ce matin en particulier sur les espaces qui nous occupent. On a toutefois réalisé un certain nombre de travaux qui croisent les discussions de ce matin, celui que vous avez, que tu as cité, Hélène, sur ce que peuvent les technologies numériques pour les territoires isolés, qui sont une partie, une petite partie des espaces ruraux en réalité, c'est le rural très profond, les espaces isolés. Et puis un autre travail que j'avais réalisé avec, avec Laurent Davzy sur les mutations de la question territoriale plus générale. Alors pour réagir à ce qu'a dit Denis et que enfin, je n'ai rien à contester ni à discuter, mais je pense que pour bien comprendre ce qui se passe sur le territoire français en général, il faut partir du fait que les gens bougent et qu'ils bougent beaucoup, ils bougent de plus en plus. Moi, je viens d'une région, vous voyez, ce matin, à 6 heures, j'ai pris un train pour vous rejoindre, j'ai pris un train au centre de Paris. Eh bien, je vis dans une aire urbaine francilienne, 12 millions de personnes, c'est énorme, c'est 15% de la population française. Eh bien, les franciliens, ils passent 70 minutes par jour dans les transports, en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui passent 2 heures et d'autres qui passent un quart d'heure. Ils font des dizaines de kilomètres tous les jours. Ils passent une partie de leur vie à bouger. Alors, contre leur gré, très souvent, pas avec plaisir. Mais... Donc si on part de, si on part de ce principe-là et qu'on regarde le territoire comme la surface du mouvement et pas comme l'allocation des places, on a du mal à regarder les choses en termes de densité, par exemple. Parce que un territoire dense, c'est quoi? C'est un territoire où il y a beaucoup de gens qui dorment, mais pas forcément qui travaillent, pas forcément qui consomment, pas forcément qui interagissent. Alors les gens qui dorment, c'est ceux qu'on compte le plus facilement, parce qu'ils ont une adresse sur le territoire. Et c'est ceux qu'on invite dans les enceintes de délibération démocratique aussi. C'est ce que j'en viens à appeler la démocratie du sommeil. Ils discutent, ils ont le droit de discuter ensemble, ils ont le droit de prendre des décisions, puisqu'ils dorment au même endroit. Mais, par exemple, lorsqu'on discute des aménagements du plateau de Saclay en Ile-de-France, qui a suscité beaucoup, beaucoup de discussions, eh bien, dans les assemblées qu'on va consulter, on ne consulte que les gens qui dorment. Mais les gens qui travaillent, ils sont beaucoup plus nombreux à Saclay que ceux qui y dorment. Ils ne sont jamais consultés. Vous voyez. Donc, partons du principe que les gens bougent, qui bougent de plus en plus. Et si on regarde le rural comme ça, eh bien, il y a quelque chose d'assez étonnant qui apparaît. C'est qu'aujourd'hui, le monde rural, c'est un monde de plus en plus habité par des urbains. On a fait l'exercice, l'INSEE permet de le faire, Denis confirmera. Si vous regardez les actifs occupés, donc les gens qui ont effectivement un travail dans, et qui ont un domicile dans le monde rural, et bien ces actifs occupés, pour 47% d'entre eux, travaillent dans une aire urbaine. C'est-à-dire qu'ils passent une grande partie de leur journée, sinon le plus clair de leur journée, ailleurs, dans une aire urbaine. Alors, pas tous dans la même. C'est pour ça que c'est du rural, parce que s'il y avait 47% des actifs occupés travaillant dans la même aire urbaine, eh bien, cette portion qu'on appelle du monde rural serait intégrée à l'aire urbaine au titre des définitions qu'a rappelé Denis, des définitions de l'INSEE. Mais là, c'est pas le cas. C'est des gens qui travaillent dans plusieurs aires urbaines, ils sont polycentrés d'une certaine façon. Donc, et cette tendance, elle est plutôt dynamique, c'est-à-dire que de plus en plus, le monde rural va être un monde occupé, habité par des urbains, qui parfois d'ailleurs ne savent pas trop où ils habitent. Moi je connais quelques villages du Berry, par exemple, qui sont vraiment des villages ruraux. Il y a quelques espaces pavillonnaires qui se sont développés, et il y a là des gens qui ne savent pas où ils sont. Ils viennent dormir là, ils ont acheté un pavillon, ils ont acheté un petit bout de terrain, ils ne connaissent pas l'histoire du village, ils ne savent pas ce qui s'y est passé, ils n'y ont pas de relations. Et une difficulté, d'ailleurs, on pourra en parler plus tard probablement, mais un des défis d'inclusion sociale, d'inclusion civique de ces nouveaux résidents du monde rural, c'est d'arriver à les arrimer à la vie locale, d'une certaine façon, à leur raconter l'histoire. Y compris par des moyens numériques. Donc ça, c'est la première observation. Une deuxième, très rapidement, je crois qu'il faut avoir aussi très clairement conscience du fait que une des dynamiques économiques les plus évidentes, les plus puissantes de ces 20 dernières années, c'est ce qu'on appelle la métropolisation. ça vous étonnera pas, mais quand même, quand on la regarde de près, elle est très puissante, cette dynamique. On a fait un exercice avec un agrégateur d'offres d'emploi en ligne. Ce sont des gens qui font des plateformes sur lesquelles, grâce auxquelles ils essayent d'apparier l'offre et la demande de travail. Donc les gens qui cherchent un job et les gens qui proposent un job. C'est des agrégateurs qui voient passer des millions d'offres. Et donc on avait regardé sur les 15 plus grandes aires urbaines françaises. Les 15 plus grandes aires urbaines françaises, c'est de Paris jusqu'à Douai, dans la hiérarchie, et c'est 25 millions de Français. C'est une très grosse partie de la population. On avait travaillé sur 6 millions d'offres d'emploi en 2015. Eh bien, une hypothèse qu'on avait faite avec Laurent Davzy dans le texte dont on discutait tout à l'heure, qui était que ce n'était pas simplement les agglomérations, les villes qui captaient les emplois, mais la ville-centre dans l'agglomération qui les capte. Si on regarde la part des emplois captés par la ville-centre, c'est en moyenne 60% aujourd'hui. Donc on peut pleurer sur le monde rural en disant il n'y a pas assez d'emplois dans le monde rural, mais les premiers à pleurer, c'est les deuxièmes couronnes des grandes aires urbaines, voire les premières couronnes. En réalité, aujourd'hui, le champ gravitationnel des villes-centres, des agglomérations, est d'une puissance économique totalement inédite. La création de valeur ajoutée telle qu'elle est, alors après on peut discuter des agrégats, etc., il y a des polémiques là-dessus, mais en gros, la création d'emplois, la création de richesses, c'est hyper concentré dans les villes-centres au détriment des autres espaces. Et vous êtes élu, il y a beaucoup d'élus ici, tous les élus que je rencontre, évidemment, se plaignent de ça, sauf ceux qui sont les élus des villes-centres, naturellement. Bon, mais ça, c'est une dynamique frappante qui n'est pas que française, qu'on observe ailleurs dans d'autres pays, qui est le trend le plus puissant. Les territoires, et après je me tais, mais les territoires les plus manifestement perdants à mes yeux ne sont pas les territoires ruraux aujourd'hui, ce sont les territoires de deuxième couronne périurbaine. La démographie rurale, on va y venir, elle est plutôt à nouveau dynamique, même si c'est très modérément. La démographie des cœurs d'agglomération, elle est très puissante aussi. En revanche, entre les deux, voilà, c'est pas toujours rigolo. Donc, merci Thierry de nous avoir parlé des villes-centres. On va revenir peut-être à partir de ces constats, premier constat et aussi de dynamique que vous avez brossé. En fait, comment est-ce que ça se traduit dans la comptabilité nationale et régionale en termes de part économique du rural. Donc Denis, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on sait, même si c'est peut-être pas évident comme exercice? Oui, alors effectivement, je vais complètement aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. Hein, parce que si on regarde juste la diapo précédente, on voit en gros, vous voyez que la part de la population habitant on va dire en gros ce qu'est les agglomérations, les agglomérations françaises, donc c'est les bâtons rouges, donc on a à peu près 60% et qui monte à, donc en Rhône-Alpes notamment, à presque 90% de la population si on intègre le orange, c'est-à-dire le périurbain immédiat de ces pôles, de ces grands pôles. Vous voyez, en gros, on a 89% en Rhône-Alpes de la population qui habite dans les grandes aires urbaines. Donc c'est clairement davantage que la situation moyenne française, qui est, vous voyez, plutôt à un peu plus de 80%. Donc si on traduit ça en termes d'emploi, eh bien effectivement la concentration elle est encore plus marquée, puisque on a 70% des emplois qui sont concentrés dans ces pôles urbains. Donc on a 60% de la population, 70% de l'emploi. Et on en a 90% si on ajoute effectivement les périphéries périurbaines de ces grands pôles. Donc en gros, 11% de l'emploi localisé sur l'ensemble du reste du territoire. Donc on va dire entre les pôles moyens de moyenne taille, les petits pôles ruraux, et puis le reste du rural, qui est dans la nouvelle nomenclature, qui est d'ailleurs appelée les communes isolées, hors de l'influence des pôles. Je pense que c'est un peu mensonger, parce que même pour ces communes-là, on ne peut clairement pas dire qu'elles soient isolées. Il y a clairement, là encore, on le verra ensuite dans les flux, une partie de la population, y compris de ces zones qui travaillent dans les pôles également. Donc, vous voyez, donc, premier élément pour caractériser le poids du rural dans l'économie globale, en termes d'emploi, ça pèse clairement assez peu. Si on regarde du côté de quelques critères, plus de, on va dire, de PIB, hein, c'est-à-dire de le poids économique, donc, premier élément, si on regarde effectivement Rhône-Alpes, hein, donc deuxième région en termes de PIB national, comme on le voit sur la carte, qui est une région, une des rares régions qui est dans une dynamique de croissance du PIB nettement supérieure à la moyenne française. Donc voilà, donc c'est plutôt région, on va dire, ce qu'on se remet en comparatif à l'ensemble de la situation française, plutôt situation dynamique. Alors qu'est-ce que ça dit de la situation du rural là-dedans? C'est très compliqué d'appréhender notamment le PIB à une échelle infra-régionale en France. Alors d'une manière générale, c'est le cas, hein, parce que vous imaginez bien que derrière, il faut appréhender tous les flux économiques, hein, qui peuvent arriver entre vers le territoire et qui en sortent. Par les données d'Eurostat, hein, notamment avec sa typologie du rural qui permet de réagréger en fait du rural à des échelles départementales, on arrive à tirer des éléments, alors qui ne seront pas du tout spécifiquement rhône-alpins, mais à tirer un peu des éléments d'appréciation des différentiels de PIB entre, donc vous voyez sur le diagramme donc à votre droite, qui permet de montrer effectivement qu'on a un différentiel d'évolution du PIB assez différent entre l'urbain en rouge et puis le rural, donc sur le vert. Et surtout, ce qui est le plus marquant, c'est un décrochage qui apparaît assez net depuis, on va dire, la crise de 2008, où on a clairement un décrochage entre l'urbain qui continue à être extrêmement moteur d'un point de vue économique et le rural qui a clairement un peu plus de difficultés. On le verra notamment à travers la dynamique d'emploi, qui l'explique en partie. Et donc voilà, le poids du rural, hein, on peut l'appréhender avec ces éléments, en partie avec ces éléments-là. Alors peut-être maintenant, pour aller un petit peu plus en profondeur dans l'analyse, derrière cette image que vous venez de nous dépeindre, donc vous avez commencé à l'évoquer, il y a des dynamiques socio-économiques à l'œuvre, et dont certaines sont très différenciées selon dans les espaces et entre les secteurs. Donc est-ce que peut-être là on peut commencer sur les dynamiques d'emploi, avoir une petite idée un petit peu plus précise de ce qu'on observe sur les dernières années? Donc Denis, Thierry, je ne sais pas si. Alors, donc sur c'est lui qui sait tout. Moi, donc sur effectivement sur les dynamiques pour comprendre, hein, c'est évidemment ces évolutions notamment qui se traduisent à travers le PIB. Donc il faut regarder effectivement maintenant de façon un peu plus précise notamment la dynamique de ces emplois. Donc premier élément, hein, d'une manière assez générale là-dessus, c'est que globalement l'emploi progresse partout, hein, sur les territoires. Je ne sais plus si j'avais une diapo. Oui. Progresse, on va dire, positivement à peu près partout, globalement partout sur les territoires. Par contre, si je regarde l'évolution de l'emploi, là, notamment sur Rhône-Alpes, il y a clairement une diminution, enfin une réduction du taux d'évolution, hein, puisque sur la période 99-2008, par exemple, on était à 1,4% par an d'évolution de l'emploi. Sur la période 2008-2013, on est à un peu moins de 0,5. Donc on a là encore, on voit un effet là, structurel de la crise de 2008 qui est très marquante sur beaucoup d'indicateurs, et on le reverra aussi, hein, sur l'emploi industriel. Donc pour appréhender cette dynamique des emplois, alors le point de vue économique, on a généralement, on distingue deux grands paquets de type d'emplois, ce qu'on distinguait un peu classiquement à travers, d'un côté, les emplois dits productifs, hein, dans lequel derrière, c'est d'un point de vue économique, c'est tous les emplois dont la production, hein, est pas d'abord liée au territoire sur lequel elle est produite, mais clairement liée à des marchés régionaux, nationaux et internationaux. Donc on est bien clairement dans une logique d'activité exportatrice, hein, avec justement l'intérêt, on va dire, et le mécanisme économique qui fait qu'elles permettent d'importer sur le territoire des revenus, hein, qui ne sont pas issus du territoire. Donc c'est vraiment par le versement de salaires notamment et d'investissements sur le territoire issus de marchés qui sont à l'extérieur. Donc on est clairement, hein, dans des activités motrices, hein, pour le développement des territoires. Donc cette gamme d'emplois-là, donc vous allez retrouver évidemment l'agriculture, toutes les activités, on va dire, extractives, et puis évidemment tout le secteur de l'industrie auquel on intègre également une partie de l'ensemble des activités de services, hein, c'est tous les services aux entreprises qui sont une partie quand même significative de ces emplois tertiaires et qui sont clairement rattachés à la dynamique de ces emplois, on va dire, de type exportateur, même si ils sont clairement dans une logique de services tertiaires. Donc cette gamme d'emplois d'activités-là, ça représente, alors selon les définitions qu'on prend, mais à environ 35% de l'emploi global. Le reste, hein, sur lequel d'ailleurs on parle souvent moins, malgré qu'elle représente la majorité des emplois, c'est ce que, bah, effectivement, dans les travaux récents, notamment avec Laurent Davzy, a été, et puis l'INSEE l'a repris assez fortement, des qualifiés d'emploi présentiel ou d'emploi résidentiel. Donc la logique de ces emplois, c'est clairement des emplois qui fonctionnent à partir des revenus présents sur les territoires. Hein, donc en gros, c'est des activités qui recyclent, qui... présents ou attirés. Ou attirés, oui, on reviendra, c'est un peu la différence entre le résidentiel et le présentiel. Hein, c'est des revenus présents sur les territoires ou des revenus extérieurs qui sont dépensés sur le territoire. Donc voilà, ces activités-là, c'est effectivement globalement 65%. Et ce qu'on constate entre ces deux types d'activités, sur les activités productives, donc vous voyez en gros la part, hein, dans les deux cartes de droite, hein, la part des emplois productifs et des emplois résidentiels sur les différentes zones d'emploi de Rhône-Alpes. Hein, on voit clairement là qu'il y a des différentiels assez forts selon la structure des territoires, selon leur histoire, selon les ressources et les caractéristiques de ces territoires. Certains vont bien connus, hein, en région Rhône-Alpes, sont extrêmement ancrés sur des activités de type industriel. Et on retrouve sur les activités résidentielles, par exemple, toutes les zones, notamment de montagne, très portées par les activités touristiques, notamment. Donc, juste pour terminer de brosser ce panorama, donc, en gros, là, vous avez ensuite quelle est la dynamique de ces deux grandes catégories d'emplois. Et on voit clairement des différences assez différentes. Hein, globalement, plutôt une réduction de l'emploi sur la première catégorie, sur les emplois de type productif. Alors, c'est une tendance de fond historique sur l'agriculture. Hein, alors qui est vraiment lié au fait qu'on a un secteur qui est complètement qui vit une transformation par des gains de productivité très importants dans ce secteur-là et se traduisent, hein, du fait que le foncier n'est pas extensible de façon non plafonné, eh bien, se traduit par effectivement une réduction de l'emploi agricole, et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est plus nouveau, c'est effectivement la dynamique de l'emploi industriel. Et donc là, on a clairement, vous voyez, donc un niveau d'évolution de l'emploi industriel en baisse nettement, et donc là, ça a été fortement accentué là aussi à partir de la fin des années 2000. Et du coup, en regardant plus précisément la situation de Rhône-Alpes, a priori, je n'étais pas convaincu qu'on ait un taux d'évolution de cette activité industrielle aussi négatif que la situation nationale. Et dans les faits, on a effectivement le même taux de baisse, hein, à peu près un peu plus de 1% de réduction de l'emploi industriel par an. Hein, et vous voyez qui touche tous les types de territoires, hein, depuis l'urbain jusqu'au rural, ce qui est aussi un peu nouveau, parce que dans les travaux antérieurs, on constatait plutôt dans les espaces ruraux une meilleure résistance de l'emploi industriel jusqu'avant la crise. Et donc, il y a eu pas mal de travaux qui montraient qu'il y avait notamment un certain nombre d'explications sur le fonctionnement du marché du travail et qu'on avait un fonctionnement du marché du travail souvent un peu de type paternaliste dans les espaces ruraux qui conduisait à une meilleure stabilité de l'emploi industriel dans les espaces ruraux. Mais on sent là clairement encore une fragilisation de cette évolution. Alors, peut-être qu'on peut pour l'instant avoir un échange là-dessus, et puis je vous apporterai éventuellement d'autres éléments un peu plus précis sur la dimension emploi présentiel, parce que là il y a des choses. Ben, oui, justement, tu disais que cette dimension ou ce type d'activité n'était peut-être pas celle dont on parlait le plus. Après, donc la préparation de cette matinée, Thierry, toi tu soulignais que justement, enfin, il te semblait, notamment pour les territoires ruraux, que cette économie présentielle, résidentielle, donc peut-être effectivement revenir bien différencier les deux, était quand même un défi assez important pour l'avenir. Oui, bien sûr. Alors, je vais y revenir, mais peut-être quelques commentaires sur ce qu'a dit Denis. D'abord, vous avez la chance d'être dans une région qui est effectivement fortement contributrice à la richesse nationale. Pour donner un ordre de grandeur, parce qu'on y pense rarement, mais Rhône-Alpes, c'est l'équivalent d'un pays scandinave. Il faut se représenter ça en termes de PIB, de population, de dépôt de brevets, de quantité d'indicateurs. On avait l'exercice, quand vous comparez, c'est un peu comme si on avait la Suède là en Rhône-Alpes. Vous voyez. Donc c'est un très très gros morceau de l'économie française. Après, le PIB, il a plein de défauts, et quand on regarde la carte, non pas à partir du PIB, mais à partir de l'évolution des revenus, on n'a pas tout à fait le même paysage. Il y a des régions qui sont moins contributrices au PIB marchand, qui créent moins de valeur ajoutée marchande exportée vers d'autres territoires, et qui ont vu néanmoins leurs revenus fortement augmenter grâce à des formes de redistribution, de captation de revenus, etc. Par exemple, le Grand Ouest français a connu un rattrapage sur 30-40 ans qui est spectaculaire. Donc, ne croyez pas qu'on est forcément plus riche là où on produit de la richesse. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on peut être pauvre là où on produit beaucoup de richesses. Ça a été le cas de beaucoup de territoires franciliens, par exemple de Seine-Saint-Denis. Ils étaient la base de Roissy, c'est le plus gros employeur d'Île-de-France, l'aéroport de Roissy. C'est énorme. Bon, l'aéroport de Roissy fait la taille de Paris, c'est vous dire, c'est gigantesque. Bon. Et pourtant, tout autour, il y a plein de gens pauvres. Donc, il peut y avoir une dissociation géographique entre les lieux de production de la richesse et les lieux des revenus élevés. Bon, ça, c'est un point. Alors, sur le déclin de l'emploi industriel, quelques modulos, si j'ose dire, parce que, en fait, il y a des effets aussi de compte. On a classé longtemps dans l'emploi industriel des emplois qui étaient créés par des entreprises industrielles, mais qui n'étaient pas dans des métiers industriels. Les grandes entreprises ont externalisé quantité d'emplois, qui étaient des emplois de service en réalité, et qui, en étant externalisés, ont été à nouveau identifiés par l'INSEE comme des emplois de service. Par exemple, les personnes qui font le ménage dans les entreprises, tant qu'elles étaient embauchées par les entreprises industrielles, on considérait que c'était des emplois industriels. Et puis, sitôt qu'on a externalisé à des sociétés de services, on a dit « Ah ben non, c'est des emplois de service ». Et donc, l'emploi industriel, il a fondu de 25-30% sous ce seul effet. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est plus directement lié aux questions du monde rural, c'est que la précédente révolution industrielle avait été une révolution industrielle géographiquement dispersive. Si vous regardez par exemple l'automobile, quand elle s'est installée en Bretagne, elle s'est installée dans des territoires qui étaient plutôt ruraux, avec des implantations industrielles qui nécessitaient beaucoup de foncier, qui cherchaient une main-d'œuvre plutôt pas trop chère, plutôt docile. On ne sait jamais d'où vient le paternalisme, est-ce qu'il vient du management ou est-ce qu'il vient du fait que la main-d'œuvre catholique bretonne était plutôt docile. Bon. Et donc, cette révolution industrielle, elle a cherché des territoires qui n'étaient pas des territoires très denses, en fait. Au bout d'un moment, ces innovations, elles se sont faites dans les villes, mais ensuite, le déploiement du tissu industriel s'est fait dans les territoires. La révolution industrielle actuelle, marquée par la transition numérique en particulier, est beaucoup moins dispersive. Elle est beaucoup plus concentrée dans les cœurs des villes. C'est bizarre d'ailleurs, parce que les gens qui nous écoutent en téléconférence actuellement, ils sont avec nous, nous sommes avec eux, et on n'a pas besoin d'être groupés tous ensemble dans les villes. Justement, le numérique nous donne la possibilité d'être présents les uns aux autres à distance. Mais ce n'est pourtant pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que cette révolution numérique, elle a été très agrégative, très métropolisatrice et très monopolisatrice d'une certaine façon. Ça, c'est un paradoxe qui va peut-être disparaître, mais qui est aujourd'hui très fort. Donc, effectivement, les territoires les moins denses, ils ont été particulièrement touchés, contrairement à l'intuition qu'on pouvait avoir, en 2008, quand s'est conjugué à la fois le recul de la vieille révolution industrielle et le choc de compétitivité lié à la crise. Et ces deux facteurs-là ont fait que, y compris dans les territoires où ça résistait, bah, ça a commencé à reculer. Alors, les emplois résidentiels présentiels. La petite différence entre ce qui est lié à la présence des gens et ce qui est lié au flux des revenus, c'est que toutes les activités touristiques, par exemple, consistent à capter des revenus qui viennent d'ailleurs. Bon, il y a des régions qui ont de la chance, elles ont du soleil, elles ont des zones côtières, elles ont un capital. Enfin, la nature a fait que il y avait de l'attractivité touristique, c'est très bien. Mais il y a toutes celles qui n'ont pas cette chance. Et quand vous regardez le nord-est du pays, sitôt qu'il y a un peu de relief, c'est très compliqué d'attirer des touristes. Là, on est dans l'isolement, dans le rural très profond, assez vite. Pour donner une idée, le rural très profond, si on dit c'est l'ensemble des villages où on a moins de 25% des actifs occupés qui travaillent dans une aire urbaine, pour reprendre le même... Bon, on a 1 million de Français, c'est très peu, c'est peu de monde. Et en général, c'est des villages perchés, c'est des villages sur des reliefs, c'est la géographie physique hein, qui ensuite fait le tri. Bon, alors, ceux de ces villages qui n'ont pas d'attractivité touristique, par exemple, sont très pénalisés. Ceux qui en ont, ils ont une économie résidentielle augmentée de leur attractivité, si vous voulez. Alors l'économie résidentielle, c'est quoi? C'est des emplois liés au fait que les gens sont là et qu'ils y vivent, et qu'ils ont besoin de scolariser leurs enfants, ils ont besoin d'accéder aux soins, donc il faut des services de médecine, ils ont besoin voilà, de toutes sortes de choses qui sont liées au fait qu'ils sont... consommation élémentaire, une boulangerie, des commerces de bouche, une épicerie, voilà. Alors il y a des choses qui sont particulièrement décisives si ces territoires veulent continuer à attirer de la population et à se développer. Parce qu'effectivement, dans un monde où un actif occupé sur deux va travailler en ville, ce qu'il va rechercher, c'est par exemple... s'ils s'installent là, c'est les contextes de socialisation et de scolarisation favorables pour ces enfants. L'école est stratégique, du coup. Si vous n'avez pas une école qui fonctionne correctement, vous aurez du mal à attirer du monde. Ça, c'est évident. Bon. Lorsqu'on a fait ce rapport sur les territoires isolés, on a beaucoup travaillé avec l'Association des maires ruraux de France, qui disaient tous, l'école, c'est la clé. Voilà. Si on perd une école, on perd beaucoup. Alors, on peut mutualiser l'offre scolaire à l'échelle de l'intercommunalité, et sans doute il faut le faire, et organiser les transports, mais c'est décisif pour accueillir des populations. Autre élément décisif pour développer cette économie résidentielle aujourd'hui, le réseau, la connexion au réseau, l'accès au réseau, le réseau haut débit si possible, voire très haut débit. Ça coûte très très cher. Mais il est évident, enfin, ça coûte très cher à l'échelle nationale, vous le savez, hein, c'est des milliards et des milliards d'euros. Mais c'est absolument décisif. Aujourd'hui, les gens ne viendraient pas dans un territoire où ils n'auraient pas accès au haut débit. Voilà ce que je peux dire rapidement sur l'économie résidentielle, dont le développement est effectivement une clé de la résilience des territoires ruraux. Donc on s'aperçoit bon, assez rapidement avec voilà ce que vous venez de nous présenter. Que bah, quand on parle d'emploi, on parle tout de suite des gens, en fait. Et donc peut-être dans ces, voilà, ces deuxièmes éléments d'analyse, de caractérisation des dynamiques de ce qui change, même si c'est dur de savoir si c'est la démographie ou l'économie qui l'un qui entraîne l'autre ou pas, est-ce que voilà, vous pouvez en dire un petit peu plus aussi sur l'évolution des flux migratoires temporaires ou permanents et les effets un petit peu, ce que ça a sur, sur l'économie. Pardon, j'avais juste un point que j'ai oublié, sur la garde d'enfants. Dans l'enquête que je citais tout à l'heure qu'on avait faite avec cet agrégateur d'offres d'emploi, dans le périurbain très éloigné, qui se confond en réalité avec le rural, une offre d'emploi sur 10, c'était de la garde d'enfants. Parce que comme les gens passent leur vie à aller bosser dans les villes, et qui prennent les transports, etc., il faut qu'ils fassent garder leurs enfants. Et donc une offre d'emploi sur 10, c'est monumental. Vous imaginez, 10% des offres d'emploi concernent une activité qui est garder les enfants. Donc ça, c'est un point décisif du développement de l'économie résidentielle. C'est pas simplement la scolarisation, mais c'est aussi avant et après la garde des enfants, surtout après. Oui, alors du coup, peut-être oui, je vais apporter il y a quelques éléments sur la dynamique de population et puis redonner quelques éléments effectivement sur l'évolution de ces emplois présentiels. Bon, il se trouve qu'on a, ouais, on a fait un travail récent effectivement là-dessus sur la caractérisation de ces emplois et puis l'observation de leur dynamique et notamment leur dynamique selon leur localisation dans l'espace. Alors sur la dynamique de population, et puis je reviendrai juste après, voilà, quelques mots ici. Donc dynamique de population, donc ce qu'on observe hein, en France, qu'on retrouve en grande mesure sur la région Rhône-Alpes, hein, c'est effectivement depuis les années fin des années 70, clairement un retour d'un solde migratoire positif dans les territoires ruraux, hein, donc qui marquait vraiment une transition forte après plusieurs décennies de ce qu'on a longtemps appelé l'exode rural. Donc on a clairement un bilan positif moyen global hein, depuis cette période sur les territoires ruraux, ce qui ne signifie pas qu'effectivement, il y a souvent un certain nombre notamment d'élus locaux de territoires ruraux très, très reculés qui le disent bien qu'effectivement ça ne touche pas nécessairement toutes les communes, mais globalement à une échelle agrégée, on a ce solde positif. Donc si on regarde clairement, on distingue hein, ensuite les deux facteurs qui jouent sur cette variation de la population, c'est évidemment le solde migratoire, le solde naturel, hein, le bilan entre naissance et décès, qui est forcément très lié à la structure d'âge de la population, hein, et donc là qui est clairement historiquement en défaveur des territoires ruraux, hein, qui sont globalement une population plus âgée et donc avec un solde naturel qui reste tendanciellement négative, en constatant que notamment en Rhône-Alpes, hein, ce solde naturel est plutôt moins, si vous regardez les zones notamment en bleu, le solde migratoire hein, naturel, donc c'est bien celui qui est central. Hein, donc vous voyez plutôt des soldes naturels moins négatifs en Rhône-Alpes, hein, ce qui montre effectivement que globalement on est sur des populations moins âgées sur les territoires ruraux rhône-alpins. Et ce qui est très significatif, c'est effectivement l'évolution du taux du solde migratoire, hein, qui lui, là encore en Rhône-Alpes, est plutôt plus important dans les espaces ruraux qu'il ne l'est en France, à l'exception, hein, on voit des petites aires, par exemple, qui ont des soldes migratoires plus faibles, mais les petites aires en Rhône-Alpes occupent une place moins importante, hein, dans la mesure où il y a un tissu urbain, notamment de grandes villes et moyennes, plus important. Donc, clairement, on voit bien des arrivées, des soldes migratoires positifs. Par contre, là, je rejoins et je remets une couche sur la question de l'importance qu'il y a derrière, des flux qu'il y a derrière ces soldes migratoires. Le solde migratoire, c'est un solde. Hein, et il faut bien voir que derrière, le niveau des flux d'entrée et de sortie est beaucoup plus important. Hein, pour illustrer, sur les grands pôles hors de Paris, En fait, derrière un solde migratoire qui est de l'ordre de entre 1 et 2% par an, eh bien, on a 42% de la population qui bouge dans la période là 2007-2013. 42%, ce qui est assez considérable si vous l'imaginez en termes de brassage de population. Donc j'y reviendrai juste après. Si on est sur les pôles périurbains, on est à 47% de mobilité d'entrée et de sortie par rapport à la population présente. Et sur les autres, on va dire sur le rural, même là où on a l'impression qu'il y a une certaine stabilité, ben ce n'est pas le cas du tout non plus, puisqu'on a 40% de la population qui bouge en entrée et en sortie. Donc tout ça est quand même extrêmement important pour appréhender ce que ces flux-là génèrent comme tri social. Parce que là, vraiment, un point quand même assez fort qu'on observe aujourd'hui, c'est une forme, on n'ira pas jusqu'au peut-être aux extrêmes qu'on évoque facilement aux États-Unis de ségrégation sociale, mais il y a clairement un tri en termes de choix de localisation qui se fait à travers ces flux. Et ces formes de tri, on les observe sans doute le plus fortement alors, dans les zones, dans les pôles urbains, mais surtout dans le périurbain. On observe effectivement des logiques de localisation qui vont notamment s'appuyer sur de la qualité du cadre de vie, qui vont différencier, notamment à travers le prix du logement, les stratégies de localisation des ménages. Et donc ça, c'est quelque chose qui est moins étudié, probablement moins fort dans le rural, mais du coup qui pose clairement une problématique de cohésion sociale. Alors, dans le périurbain, plus particulièrement. Donc, alors ces mobilités, pour terminer, donc elles sont de différentes natures. Il y a clairement des mobilités qu'on appelle les mobilités de cycle de vie. Donc là, en gros, c'est la logique, on est jeune, on part en ville pour trouver des opportunités d'emploi. Quand on s'installe en famille avec des enfants, on repart vers le périurbain pour accéder à la propriété des surfaces de logement plus importantes. Et on a parfois des retours ensuite. Alors, on a clairement des formes de mobilité choisies vers le rural, alors qu'on appelait il y a 2 ou 3 décennies les néo-ruraux qui viennent s'installer en rural. C'est clairement des formes de mobilité qui existent évidemment toujours, qui sont, on y reviendra sans doute sur les dynamiques un peu émergentes, donc c'est quelque chose qui existe. On a aussi des formes de mobilité qu'on appelle un peu les formes de mobilité par la sociale, c'est-à-dire que des mobilités subies, c'est-à-dire c'est les populations urbaines qui ne sont plus en mesure de maintenir leur localisation urbaine et qui, donc on est vraiment sur des formes de mobilité subie. Et puis on a des mobilités de retraite, elles sont un peu plus variables. Effectivement, on va retrouver des mobilités qui vont vers le rural, on va aussi trouver des mobilités qui sont assez influencées par les aménités, notamment les aménités climatiques. Il y a eu des travaux effectivement qui montrent que, par exemple, le paysage, la qualité du paysage a un effet qu'on peut retrouver dans la localisation et qu'on retrouve notamment dans le prix du logement. Il y a eu des appréciations, enfin des estimations assez précises de ça. La même chose sur le climat. On montre assez clairement que tant de degrés en plus conduit une augmentation du prix du logement. Donc on voit bien derrière des stratégies de localisation. Donc juste pour effectivement une seconde sur la localisation des conséquences sur la localisation de ces emplois présentiels qui en dépendent en grande partie. Donc contrairement à l'emploi qu'on a vu tout à l'heure productif, clairement, l'emploi présentiel a une dynamique très positive. En moyenne, était à près de 2% de croissance par an jusqu'au milieu des années 2000. Donc, vous voyez, pour Rhône-Alpes notamment, une dynamique très positive sur une grande partie du territoire. Et dans cette étude, on avait effectivement regardé les différents types d'emplois présentiels qu'il y avait derrière. Hein, et donc, ce qu'on observe assez clairement, alors, un secteur auquel on parle assez peu, c'est le secteur de la construction, par exemple, qui, dans la période d'études de 99 à 2009, a connu une croissance très, très importante. Et puis ensuite, hein, on voit assez clairement, effectivement, tous les secteurs qui relèvent, hein, des services publics, hein, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé et des services au public, des dynamiques assez importantes, hein, et des emplois pour cette partie-là qui représentent 50% des emplois présentiels, et les autres 50% étant plutôt des secteurs, on va dire, privés, hein, de services privés comme le commerce ou les services marchands. Et peut-être juste pour terminer, un point, parce que quand on regarde encore plus finement, ce que tu évoques sur notamment la petite enfance, c'est vraiment le secteur qui a explosé en termes d'emploi, avec des taux de croissance sur la période qu'on a étudiée, alors je n'ai pas repris le détail là, mais qui est vraiment très au-dessus du reste. Quoi. Donc c'est assez symptomatique, effectivement, en termes de services aujourd'hui qui répond à des demandes de ménages importantes. Merci. Peut-être avant de passer aux dernières quart d'heure, 20 minutes qui nous restent, on abordera peut-être plutôt les dynamiques qui vous semblent porteuses donc pour les territoires ruraux. Thierry, tu voulais rajouter quelque chose sur le périurbain, peut-être ? Oui, un mot. D'abord, en écoutant Denis, je me souvenais d'une blague que m'avait faite un ami géographe. Il m'a dit, si tu veux découvrir un très bel endroit en France et que tu ne sais pas où aller, tu suis un retraité un mardi après-midi, gare de Lyon, tu le suis et il va te conduire dans un endroit merveilleux. Bon. Donc tout ça est très juste. Sur le périurbain, ça illustre pleinement ce qu'a dit Denis sur les mobilités choisies et subies. Il y a beaucoup de mobilités qui sont un peu les deux, en fait. Vous avez beaucoup de gens qui choisissent d'aller s'installer dans le monde périurbain. Alors, le monde périurbain, c'est un monde qui va du quasi-rural au quasi-urbain. Vous avez du périurbain très enchâssé dans l'agglomération, du périurbain plus détaché. Donc, bon, faut pas en faire des tonnes sur cette notion parce qu'elle est très plastique. Mais vous avez beaucoup de gens qui sont allés s'installer dans cette deuxième couronne parce que ils n'avaient pas, un, les moyens de rester dans le centre-ville, deux, ils n'avaient pas les moyens de s'installer avec des surfaces convenables dans les banlieues chics, de l'ouest des grandes villes, etc. Trois, ils ne voulaient pas aller s'installer dans les quartiers d'habitat social, d'immigration, des cités de la première couronne. Donc ils sont allés au-delà. Ils sont allés au-delà où ils ont pu effectivement acheter un peu de terrain, etc. Mais alors ces gens, eux, c'est ceux qui font les plus grandes distances quotidiennes, c'est les navetteurs fous, professionnels, quotidiens. Alors eux, ils bougent tous les jours, ils bougent beaucoup. Ils ont des besoins effectivement de garde d'enfants qui sont considérables. Ils sont souvent allés s'installer dans des quartiers où la sociabilité primaire reste à construire. Les maisons côte à côte, mais les gens ne se connaissent pas, il n'y a pas beaucoup de services publics, ils ne savent pas trop où aller chercher même les services au public, parfois. Last but not least, au bout de 15 ans, la garantie du constructeur sur la maison est terminée, ils constatent que le bâti dans lequel ils ont placé leur patrimoine ne vaut peut-être pas si cher que ça. Ça met d'assez mauvaise humeur. Et vous avez dans ces coins-là une grande partie de l'électorat en colère qui prend les formes que vous pouvez imaginer, soit d'abstention, soit de vote aux extrêmes, de contestation vraiment du système politique. Enfin, il y a là un vrai sujet, à l'évidence, qui a été documenté par des géographes comme Gilby, même si on peut discuter ses thèses, il a mis le doigt sur des choses. Voilà ce qu'on peut dire sur le périurbain. Alors, comment on peut détendre l'atmosphère? C'est quand même ça la question. Je crois qu'il y a un gros enjeu de déploiement de services au public dans ces territoires-là. Il y a un gros enjeu aussi pour permettre à certains de ces ménages de ne pas partir si loin. Et il faut pour ça casser l'égoïsme foncier des premières couronnes, en particulier des banlieues chics. Et il y a aussi une autre façon de détendre l'atmosphère, c'est de dire aux gens, pour ceux qui le peuvent, et là ça fait la transition avec votre dernière partie, et bien vous allez pouvoir partir un peu plus loin, aller dans le monde rural et faire du travail à distance, du télétravail, des choses comme ça. Pour ceux qui le peuvent. On ne peut pas dans tous les emplois. Mais en tout cas, on ne peut pas rester dans cette situation où vous êtes en train de s'emmagasiner dans les deuxièmes couronnes de certaines aires urbaines une telle aigreur. Juste un tout petit point sur cette question de la dynamique du périurbain, parce que quand même, que ce soit donc sur la dynamique de population, évidemment, par essence, c'est des territoires qui sont en croissance de population, mais si vous regardez sur la question des services, c'est aussi des territoires qui sont très actifs du point de vue du développement de l'emploi présentiel, notamment dans ces territoires. La difficulté, c'est la synchronisation des deux dynamiques d'évolution. Et on voit qu'il y a clairement une forme de... On court toujours après la mise à l'ajustement et la mise à niveau des équipements relativement à l'augmentation de la population. Donc il y a toujours cette notion un peu de décalage temporel entre la réalité des besoins liés à l'arrivée de population et puis le niveau des équipements qui effectivement progressent. Alors, de façon sûrement assez différenciée selon les territoires, selon les zones périurbaines, mais quand même globalement qui progressent, mais sans doute pas jamais vraiment au niveau de ce qu'il faudrait pour satisfaire les besoins du moment. Et tout ça a un coût environnemental faramineux. L'étalement urbain, la congestion urbaine, les heures passées dans les transports, la quantité d'énergie fossile qui est détruite et dilapidée à cette occasion, bon, ça devient un très gros sujet. Alors, je pense qu'on peut retenir, enfin voilà, du tableau que vous venez de brosser, donc des dynamiques territoriales différenciées. Peut-être maintenant, dans les 10 minutes qui nous restent, est-ce que vous pouvez chacun peut-être donc approfondir ou développer un petit peu des éléments que vous avez déjà évoqués, à savoir en termes de perspective et de dynamique, qu'il s'agisse de valorisation donc d'atouts sur place ou en lien avec l'arrivée de nouvelles populations. Mais aussi, donc là ça a été un petit peu évoqué, mais je pense préciser, Thierry, tu as parlé donc des gens qui viennent installer leur activité, qui sont présents à un endroit tout en étant ailleurs, par exemple par les réseaux, par le télétravail ou autre. Donc ces nouvelles formes d'activité qu'on qualifie, donc l'économie collaborative, il y a aussi l'économie circulaire, si vous pouvez nous dire deux mots là-dessus. Et peut-être aussi, je crois qu'il y avait dans ce que vous identifiez comme intéressant, la question... et revenir sur ce contexte de décentralisation et aussi de politique publique différenciée. Bon, la question est 5 minutes pour les perspectives. Ouais. Non, juste effectivement, peut-être pour aller là-dessus, donc au regard de tout ce qu'on a pu évoquer sur les déterminants, on va dire, un peu de la dynamique économique des territoires ruraux. Bon, on voit qu'il y a clairement des effets de structure économique et qui est quelque chose qui ne se modifie pas sur une décennie. Donc c'est un déterminant un peu historique qui reste important et en Rhône-Alpes clairement qui caractérise des territoires rhône-alpins de façon extrêmement marquée. Donc on parlait de la zone de Romans par exemple avec son histoire industrielle. On a la zone d'Oyonnax. Enfin, on a vraiment des marquages historiques qui sont là, qui sont présents et donc qui sont un des facteurs à prendre en compte évidemment. On a vu le rôle extrêmement fort et puissant de la dimension spatiale, avec quand même, rappelons, le moteur essentiel du fait urbain, d'un point de vue économique, c'est effectivement toutes ces... économie, on appelle les forces d'agglomération, c'est tous les facteurs positifs qu'apporte la densification pour notamment accéder à la connaissance, accéder aux ressources d'innovation et à l'échange d'informations entre les acteurs économiques qui fait un des leviers quand même les plus puissants de l'agglomération des activités. Donc, en creux, hein, comment penser ce type de déterminant économique dans des territoires où cette densité, ce lien avec la recherche et les capacités d'innovation sont moins présentes. Donc on y reviendra. Donc troisième élément, évidemment, on l'a vu notamment à travers la crise de 2008, c'est les déterminants des marchés nationaux et internationaux. Donc ça, c'est quelque chose évidemment d'incontournable. Et on sait que tous les territoires ne sont pas exposés de la même façon à la concurrence internationale. Quand le site les chaussures de Roman, par exemple, clairement, était sur un marché a priori très très très concurrentiel et a perdu en grande partie la bataille à l'échelle internationale. D'autres secteurs, beaucoup plus sur des, dans les zones de Grenoble par exemple, sur des secteurs beaucoup plus de haute technologie, vont avoir un positionnement en termes concurrentiels plus favorable. Donc ça, c'est évidemment un point important. Et demain? Et puis, donc voilà, ça c'est les éléments. Alors, demain, je pense que, moi, il me semble que il y a deux dimensions. La première, c'est ce qui fait le rôle des, les leviers de développement des territoires ruraux aujourd'hui, c'est déjà un certain nombre de caractéristiques qui leur sont spécifiques et qui, clairement, demain, continueront. Et je pense qu'il y a de nouvelles opportunités qui permettront demain aux territoires ruraux de valoriser leurs ressources spécifiques. Alors, leurs ressources spécifiques, c'est leur foncier, le fait qu'elles aient de l'espace qui reste, donc l'espace agricole, l'espace forestier, et que dans les nouveaux enjeux qu'on voit clairement aujourd'hui apparaître, notamment autour de l'énergie. L'énergie aujourd'hui, elle nécessite effectivement de l'espace. Quand on est sur de l'aérien, de l'éolien, ça ne se fait pas dans les centres-villes. Donc on a des ressources autour de l'énergie. Clairement. Un potentiel de valorisation de ces ressources des territoires ruraux qui seront présentes. Ça doit être là. Non, je ne trouve plus. Donc ensuite il y a clairement des enjeux. Donc là c'est du potentiel de développement. Après, ce qu'on a dit, espaces ruraux, c'est effectivement 10 ou si on prend la vision la plus restreinte, 10 à 12% de l'emploi. En même temps, en termes économiques, ces 10 ou 12% d'emploi ont un lien fort avec les enjeux, notamment autour de la biodiversité, du changement climatique, des gaz à effet de serre. Et donc, il y a clairement à penser des évolutions, plus important, par exemple, sur l'agriculture, c'est-à-dire des évolutions des modèles de production qui nous garantissent demain d'apporter des réponses à ces enjeux, et là qui sont clairement des enjeux majeurs et principalement localisés dans les espaces ruraux. Donc celui-là, c'est moins un potentiel, mais c'est un enjeu de nécessaire adaptation de ces activités. Et puis là, en termes de potentiel, il y a aussi, en lien avec ces activités que je recherchais tout à l'heure, c'est effectivement le lien avec notamment ce qu'on voit se développer depuis pas mal d'années, tout le marché autour de l'alimentation et de la transformation des modes de consommation, et donc de la valorisation, de la meilleure valorisation demain de la production agricole avec notamment des circuits courts et à l'échelle locale ou structurés à des échelles plus larges comme au niveau régional. Et donc là, je pense qu'il y a clairement une massification de l'augmentation de la valeur ajoutée agricole à travers ce type d'évolution qui aujourd'hui est encore assez marginale et vouée à se développer. Alors, ouais, peut-être là, Denis, dans ce que tu viens de présenter, donc il y a des nouvelles façons de faire, des activités qui existent déjà, avec comme, enfin, sous-jacent à ce que tu dis aussi, peut-être des activités qui mettent en avant d'autres finalités économiques. Et donc, Thierry, je ne sais pas si tu veux nous dire un mot, voilà, de ces nouvelles façons peut-être d'entreprendre ou de faire. Eh bien, d'abord, il y a, je pense, la résilience de l'économie rurale. Elle peut être augmentée par un bon usage des technologies numériques. Il y a quantité d'exemples qui montrent que le stade numéro 1 de la transition numérique qui a été entièrement capté par les villes est peut-être en train de se refermer. Il y a des pratiques, des technologies qui sont matures maintenant et qui peuvent se disperser sur le territoire plus facilement. Je vous donne un exemple qui était assez amusant, l'exemple qui nous avait donné l'idée de ce rapport sur ce que les technologies numériques peuvent apporter au territoire isolé, c'est le cas de lepêcheur.com. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs dans la salle qui connaissent ce site. Bon, oui, il y a des pêcheurs, est-ce qu'ils connaissent ce site ? Oui, ils connaissent ce site. Bon, c'est une belle réussite sur un truc très simple, la vente à distance, la capacité à agréger un très grand nombre de références dans vos stocks, tout simplement, et à Ghana, je crois, en Auvergne en l'occurrence. Et aujourd'hui, c'est un site qui livre une grande partie du territoire en articles de pêche. Donc, on peut faire beaucoup de choses de cette façon-là, qui sont des choses techniquement assez simples, en réalité, hein, maintenant. Et donc, je pense qu'une grande partie de la résilience du tissu productif rural passe par des choses très simples d'acclimatation des technologies numériques. Par exemple, géolocaliser les artisans, les commerces qui ne le sont pas, parfois ils ne le sont pas. Aider un certain nombre de TPE de ces territoires à se digitaliser, y compris pour leurs opérations internes. On avait d'ailleurs préconisé dans ce rapport que soit ouvert dans chaque région française un office numérique régional qui accompagne les TPE. Ça existe dans certaines régions. Dans d'autres pas, je ne sais pas si c'est le cas en Rhône-Alpes, mais c'est toujours compliqué quand vous avez une petite entreprise ou une très petite entreprise de savoir vers qui vous tournez pour adopter telle ou telle technologie. Et donc vous dites, si je me tourne spontanément vers une entreprise numérique, elle peut très bien me plumer, me tromper, me ceci, cela. Bon. Ce serait bien qu'il y ait un intermédiaire de marché. Et là, la puissance publique peut être là pour ça aussi, pour dire, écoutez, tel autre TPE a déjà travaillé avec cet acteur, vous pourriez y aller, etc. etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine qui sont des choses simples et peu coûteuses. Et ça, c'est important, peu coûteuses. Deuxième horizon, effectivement, l'économie collaborative. L'économie collaborative, les noms les plus connus, alors après on peut se battre sur les définitions, moi je prends une définition très très ouverte, les grandes entreprises les plus connues, c'est Blablacar, Airbnb, des choses comme ça. Toutes ces entreprises, elles reposent sur une idée simple, c'est qu'il y a du capital sur un territoire, des bâtiments, des véhicules, des outils, et on va optimiser l'utilisation de ce capital en le permettant à ce capital d'être utilisé par tous ceux qui en ont besoin, moyennant un coût, un prix. Bon. Lorsqu'on a fait ce rapport sur les territoires isolés, Airbnb nous a ouvert ses chiffres, et ce qu'on a très vite compris, c'est qu'aujourd'hui, le parc Airbnb se développe non plus dans les villes, mais dans les territoires ruraux. Parce que dans les villes, ils ne sont pas à saturation. Enfin, ils ont quand même fait l'essentiel de ce qu'ils pouvaient faire dans une ville comme Paris, qui est la deuxième plus grande ville Airbnb du monde. Hein, donc, ils ne peuvent pas faire beaucoup plus. Puis, il commence à y avoir des problèmes. En revanche, en rural, il n'y a aucun problème. Personne ne vient leur dire, oulala, vous êtes en train de transformer ce village en musée. On serait tellement content que le village se transforme en musée, dans certains cas, qu'on ne dit pas non. Bon. Et là, il y a pas mal de résidences secondaires. Donc, vous avez là des gens qui proposent une façon d'utiliser davantage le capital qui est là, qui est sur le territoire et qui, pour une grande part, est peu utilisé ou sous-utilisé. Alors, on a regardé, les progressions d'Airbnb dans les mondes ruraux sont absolument spectaculaires, mais ils partent de très bas, donc il ne faut pas se laisser illusionner par ça. Mais c'est tout de même des millions d'euros qui arrivent sur ces territoires. Alors, ils y arrivent, ils en repartent, parce que les gens qui possèdent des résidences secondaires, ils n'habitent pas là. Mais enfin, cet argent qui passe par le territoire, eh bien, il va alimenter le plombier, le maçon qui refait un mur, le restaurant qui n'est pas trop loin, où les gens qui viennent séjourner vont aller manger. Bon. Et souvent, Airbnb installe son parc dans des villages où il n'y avait pas d'infrastructure d'accueil du tout. Je crois que c'est dans les deux tiers des cas, c'est des villages où il n'y avait pas d'hôtel, parfois pas de camping. Donc c'est du plus. Bon. Donc le collaboratif, alors quand ça s'appelle Airbnb en France, on fait ah là là, c'est les Américains, attention, ben, prenons Blablacar, c'est des Français. Prenons aussi la ruche qui dit oui, vous connaissez peut-être la ruche qui dit oui, qui organise des circuits un peu plus courts de façon à préserver l'intérêt de l'offre du producteur, de l'agriculteur en l'occurrence. On pourrait développer ces différents exemples. Quelques mots quand même sur l'économie de l'inclusion sociale. Parce que c'est très important. Pour finir, oui. Oui, pour finir, ok. Il y a sur ces territoires une population vieillissante qui est très importante. Et avec de gros défis d'accès aux soins, d'encadrement, de prise en charge de la dépendance. Là aussi, on peut mutualiser mieux les ressources sur ces territoires. Un exemple, je crois que le groupe SOS a racheté plusieurs EHPAD en Alsace pour faire de chaque EHPAD, des EHPAD qui ne sont pas en milieu urbain, de chaque EHPAD un centre de service. Un EHPAD, en gros, ça accueille en moyenne 80-90 résidents. Mais ça peut servir 300 repas. Ça peut offrir des services médicaux de base à beaucoup de gens qui habitent pas loin. Ça peut faire de la télésurveillance médicale. Vous voyez, quand vous faites un EHPAD, c'est tellement cher de le faire, de l'équiper, etc. Autant en faire un centre de service. Donc il y a des idées comme ça qui pullulent, alors qui ne sont peut-être pas assez partagées, mais qui laissent penser que l'économie et la société rurale vont changer de visage et peuvent trouver des chemins dynamiques. Alors j'ai dit pour finir, mais en fait on finit pas vraiment et on va pas conclure puisqu'on va plutôt ouvrir en passant à l'étape, là, une petite heure, même pas, trois quarts d'heure de questions. Vous avez devant vous des micros, il faut appuyer apparemment sur un bouton quand voilà, vous souhaitez poser la question, mais je crois qu'on va commencer par une question qui nous est posée par les gens qui nous écoutent à distance. Oui, alors je voulais prendre la voix de Philippe Bouvard ou Laurent Ruquier pour, comme dans la célèbre émission, une question de... Mais je ne suis pas un très bon imitateur, donc je vais prendre ma voix normale. Alors une question quand même de Didier Girin, qui est maire de Roussieux. Je crois que Roussieux, c'est dans la Drôme. Pourriez-vous parler des spécificités de l'hyper-rural trop éloigné des aires urbaines? D'un point de vue dynamique... Je n'ai pas plus de précision. Prenez-la comme elle est. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si on prend la question de la population, on a globalement des flux plutôt qui reviennent plutôt positifs dans ces zones rurales. Mais de loin, ça ne veut pas dire que toutes ces communes-là vivent le renouveau du rural avec une croissance de population qui permet effectivement de repenser à réouvrir les écoles, etc. On est très loin évidemment de ce schéma-là. Et vraiment ce qui va modifier assez fortement la dynamique de ces territoires-là, c'est ensuite ça va être beaucoup ce qu'évoquait Thierry tout à l'heure, c'est quelles sont un peu les caractéristiques d'attractivité de ces territoires-là. Et aujourd'hui, très clairement, l'hyper-rural qui continue à souffrir de diminution de population et derrière de disparition des services, il est clairement beaucoup plus aujourd'hui localisé dans le grand nord-est de la France, évidemment, que dans le sud-est ou que dans le sud de la France. Donc la réalité de si derrière la question il y a ce type de d'hyper rural, bon mais clairement ça reste un élément important. Alors en termes de réponse, si on regarde autour des services publics aujourd'hui, et je pense qu'ils mobilisent aussi les outils du numérique, on on voit apparaître de plus en plus des formes d'organisation collective, de services regroupés qui essaient d'apporter un certain nombre de réponses pour on va dire limiter la casse, hein, mais je pense qu'on en est plutôt quand même là-dessus que d'apporter des vraies perspectives de développement de ces territoires. Donc si vraiment l'hyper-rural qui est évoqué, c'est celui qui est aujourd'hui toujours le plus périphérique de toutes les dynamiques de développement, c'est clair qu'on n'a pas de réponse miracle aujourd'hui pour identifier ce qui peut s'y faire. Je voulais juste par contre redire que derrière une des pistes, hein, elle est là, ce que Thierry évoquait tout à l'heure sur les nouvelles perspectives de démarche collaborative, il y a effectivement l'entrée par des initiatives privées, hein, qui s'engagent avec des types d'activités comme ce qui a été présenté, mais il y a clairement un levier à repenser aujourd'hui sur la démarche territoriale, la démarche collective, hein, et je disais tout à l'heure, voir comment on peut essayer de mobiliser les forces de l'urbain, hein, à travers la connexion des acteurs privés, des collectivités, de la recherche au rural. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses, et BioVallée, par exemple, en est un exemple, hein, c'est que on arrive aujourd'hui, on voit quand même à de plus en plus apparaître des modèles d'action collective qui sont un peu d'un nouveau type par rapport à celles qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, hein, autour des démarches de structuration de territoires de projets, hein, comme antérieurement en Rhône-Alpes, les CDDRA par exemple, les pays au niveau national. On voit des formes plus dynamiques, et notamment qui permettent vraiment la relation acteurs privés, collectivités et mobilisation de la recherche, hein, dans toute cette dynamique autour des clusters, des pôles territoriaux de coopération, mais qui sont vraiment des modèles à construire, il y a des initiatives dans le Jura aussi, hein, cluster Jura par exemple, qui montre qu'il y a des vraies possibilités, hein, avec ces approches vraiment collaboratives, justement d'apporter des vrais outils pour développer des activités à la fois ancrées sur les ressources des territoires, tout en mobilisant un peu, on va dire, les outils de ce qui est mobilisé en urbain pour développer et innover des nouvelles activités. Je crois que la question a été précisée. Voilà, merci. Tout à fait. Alors, je vous lis, on vient de créer une MSAP, maison de service au public. On a ouvert des espaces publics numériques. Le tourisme n'aide pas pour autant à maintenir les écoles ouvertes. Non, mais là, et ensuite, pardon, oui. Comment faire vivre sur place de nouvelles familles pour sauver l'existant? Oui, non mais alors, tout à l'heure je disais les territoires isolés, pour les définir, je disais ceux dont les actifs occupés qui travaillent dans une aire urbaine sont moins de 25%. Donc des territoires qui sont en quasi-autarcie. C'est 3000 villages. Sur 36 000 communes, 35 000 communes, hein, donc c'est pas, ça ne fait pas beaucoup, même en termes d'unité administrative, et c'est 1 million de Français. Donc, c'est un confetti démographique, c'est un tout petit morceau de la société française. Mais c'est des espaces qui sont en très grande difficulté, et par exemple, la remarque de monsieur le maire, j'ai cru qu'il était maire, hein, sur l'école, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est décisive. Si vous fermez l'école, à ce moment-là, plus personne ne vient, enfin plus personne en âge de procréer, ou plus aucune famille ne vient s'installer. Donc c'est très important, je ne connais pas la situation de Roussieux, mais c'est très important de mutualiser tout ce qui peut l'être à l'échelle intercommunale. Parce qu'une école, ça coûte cher. Une école, c'est parfois 50% du budget de la commune en entretien, en organisation d'activités, etc. Donc il faut probablement, si c'est possible, mutualiser cet équipement et créer des réseaux de transport. Bon, c'est le genre de choses qui permettent à l'offre scolaire de se maintenir à un bon niveau. Parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait une école. Il faut qu'en plus, elle puisse être jugée correcte, bonne. C'est-à-dire que les gens qui arrivent se disent, mes enfants vont faire un cursus scolaire normal, qui n'hypothèquent pas leurs chances par la suite de faire un bon parcours. Donc tout ça est vital pour ces territoires-là. Mais en même temps, il n'y a pas de magie, hein. Tout ça coûte cher, donc faut pas mentir, il y a des situations qui sont très critiques et dont la configuration géographique ne permet pas d'imaginer des solutions immédiates, quoi. Alors le tourisme, ça remplit pas les écoles, enfin ça remplit les poches, c'est quand même déjà pas mal. Songez qu'il y a aussi des territoires qui n'ont pas ces avantages résidentiels ou d'attractivité touristique. Alors, pour eux, c'est encore plus compliqué, c'est les territoires en particulier du Nord-Est, auquel on faisait allusion tout à l'heure. On va peut-être prendre une question ici, dans la salle. Oui. Ouais. Bonjour. J'avais une question concernant la volonté politique de faire des regroupements de communes, du moins de diminuer le nombre de communes aujourd'hui en France. Et du coup, quelles conséquences, en positif ou en négatif, sur ce sujet dont on parle? Est-ce que, on pourrait parler du coup encore de périurbain, de rural, en termes de densité ou de nombre de communes? Du coup, ça va réduire en fait toutes ces questions de petits villages éparpillés ou de ce dont on parlait. Du coup, pour vous, quelles conséquences ça peut avoir en positif ou en négatif sur ce dont on parle sur le territoire rural en tout cas? Donc bon, effectivement, ça c'est quelque chose qui est en cours, qui est en réamorcé, cette démarche de fusion de communes. Enfin, moi je vois, alors il y en a, ça se fait, hein, ça existe. Bon, à mon avis, c'est pas à la hauteur des enjeux de mutualisation, hein, qui ont été évoqués là. Alors là, en termes de ce qu'on peut en attendre. Je pense que ça va mutualiser ce qui reste aujourd'hui de services et de compétences communales qui sont toujours assez importantes, hein, même si de plus en plus sont transférées aux intercommunalités. Mais sur la question des capacités à effectivement de développement, voilà, au-delà de la mise à niveau, alors qui sont évidemment nécessaires, hein, mais la mise à niveau des services. Je pense que la dynamique pour créer des opportunités et des perspectives de développement, elle est clairement à des échelles plus larges que ça. Hein, et donc ça renvoie effectivement à ce qu'on disait juste avant, les espaces. Alors, la question elle joue aujourd'hui entre les espaces intercommunaux. Donc avant on avait effectivement ces espaces un peu de fédération d'intercommunalité. Clairement la question elle va se jouer sur en tout cas ces espaces un peu supra-communaux. Donc bon, pour moi je pense que la question la stratégie elle est vraiment vers ça. Après l'agrégation des communes, hein, il y a aussi la question effectivement de la démocratie de proximité, la proximité directe pour le premier échelon communal qui est clairement posé, qui est aujourd'hui effectivement perçu comme un coût, mais aussi une particularité française en termes de proximité des premiers la présence de l'État et des services publics locaux. Bon ben moi je suis quand même plus sévère que Denis. Je pense que 36 000 communes, 35 000 maintenant, 35 c'est beaucoup. C'est à nouveau le record d'Europe du nombre d'élus. Je crois qu'on a 600 000 élus dans ce pays, 500 ou 600 000 élus. La moitié des communes européennes, enfin ça devient quand même un peu délirant. J'en attends pas de miracle, mais je pense que c'est mieux qu'il y ait des gouvernances un peu plus puissantes et un peu plus concentrées sur le territoire, qu'on n'y perdra pas tant que ça en termes de proximité, parce que être proche de pouvoirs démocratiques qui sont en fait incapables, parce qu'ils ont très peu de moyens, ça vous ça change pas la vie, quoi. Voilà. Je pense qu'il y aurait moins de situations un peu absurdes en plus où on a l'orgueil du maire qui a conduit à faire une médiathèque à côté d'un autre village où il y a une autre médiathèque, les deux médiathèques étant vides toute l'année. Bon, on aurait pu ou ne pas en faire ou en faire une seule, on aurait économisé de l'argent. Voilà, donc ce serait un effort de rationalisation. Mais, quel que soit le processus, à la fin, il faut quand même qu'il y ait une forte. Enfin, plus on crée des gouvernances fortes, intégrées, plus la légitimité démocratique doit être forte, elle aussi. Donc le conseil municipal, il est élu, très bien. Mais la gouvernance de l'intercommunalité, aujourd'hui, elle se voit déléguer tellement de pouvoir qu'à mon avis, on n'est pas loin du moment où il faudra qu'il y ait une élection au suffrage universel, direct ou indirect, il faut voir, de la gouvernance de l'intercommunalité. Le coup suivant qui, pour moi, nécessiterait vraiment une élection intercommunale, c'est si on déléguait vraiment l'intégralité du PLU à l'intercommunalité. Pas exactement ce qu'on a fait avec la loi Allure, qui permet encore des majorités de blocage assez faciles à réunir pour empêcher telle ou telle décision, ce qui, à mon avis, était malheureux parce que la gestion communale du PLU explique beaucoup l'égoïsme foncier d'un certain nombre de communes, et on ferait mieux, enfin, les arbitrages seraient plus sereins s'ils étaient pris à une échelle plus élevée, et là, l'intercommunalité, on aurait moins, si vous voulez, cette espèce de situation stupide qu'on observe en France un peu partout, maire bâtisseur, maire battu, du coup, le maire bâtit pas, et dans les zones tendues, c'est une vraie catastrophe. Mais si on donne voilà, tous les pouvoirs du PLU à l'interco, il faut que l'interco soit élu, quoi. C'est quand même, ça devient des pouvoirs importants. Enfin, c'est mon opinion. Alors, une question de Éric Barraud, relieur de terroir et animateur du réseau Planète Terroir, qui je crois devait être en présentiel mais n'a pas pu se déplacer. Alors la question, c'est le développement du tourisme, entre parenthèses économie résidentielle, n'est-il pas aujourd'hui lié au développement d'une agriculture de qualité / terroir, économie productive durable, pensée en lien avec les autres acteurs territoriaux, publics, privés? Ah, à vous. Alors, par contre, je ne suis pas du tout expert du tourisme. Mais c'est plus le lien tourisme. Ouais, ouais. Si on regarde en Rhône-Alpes, clairement, on va dire que sans doute 80% de l'attractivité touristique, effectivement, elle est quand même complètement déterminée par des aménités montagnardes. Donc, effectivement, ça, c'est un moteur important. Par contre, je pense qu'il est assez indéniable. On parle d'ailleurs des collègues de Rhône-Alpes, hein, des Alpins, là, parle de la notion un peu de panier de biens, c'est-à-dire que quand on vend de la montagne, effectivement, on vend en même temps aux touristes tout un tas de produits qui sont liés à cette montagne. Et clairement, les produits régionaux, les produits agricoles, de qualité, font partie très clairement de ce panier de biens, et notamment en Rhône-Alpes. Je pense que c'est assez présent. Donc oui, je pense qu'il y a clairement une vraie économie à partir de l'agriculture, une vraie valeur ajoutée à conquérir, hein, à partir de la fréquentation touristique. C'est un des leviers. Voilà. Donc on utilise vraiment les effets de la mobilité, hein, de l'accroissement de mobilité pour capter ces revenus. C'est bien l'essence un peu même de cette vision de captation de revenus à travers tous les supports d'activité qui peuvent le permettre, quoi. Juste un mot sur le tourisme. Nos revenus touristiques seraient considérablement augmentés si on arrivait à retenir une nuit de plus, une seule nuit de plus chaque touriste. Il y en a beaucoup qui traversent notre pays pour aller ailleurs, en fait, pour aller en Espagne. Ils viennent du Nord, c'est l'Espagne qui capte une grosse partie des revenus. Et tout ce qui est de nature à créer une expérience singulière, dont les productions de terroirs, etc., est de nature à retenir un tout petit peu plus longtemps le touriste. Voilà. Ça, c'est décisif, quoi. 24 heures de plus, s'il vous plaît, monsieur le touriste. Et en plus, on a, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais des productions de terroirs de très grande qualité en France. Je veux dire, on a vraiment, pour le coup, une richesse. C'est une mine d'or liée à nos traditions locales. Est-ce que, juste peut-être, vous pouvez vous présenter quand voilà, vous posez notre question. Oui, Sylvain Dumas, fondateur de Village Vivant. Je voulais vous lancer sur le sujet du commerce de proximité, puisqu'on constate qu'en France, partout en France, il y a une désertification des centres-villes avec des locaux qui ferment, des boutiques qui ferment et qui ne trouvent pas de repreneurs. Ce phénomène touche encore plus les zones rurales, puisque à chaque local qui ferme, on peut s'approcher de la désertification totale et donc des fonctions primaires qui sont plus assurées. En parallèle, en France, on est champion en nombre de mètres carrés de zones commerciales existantes et encore en cours de construction. Il y a un bouquin de Olivier Razemont, journaliste au Monde, qui parle de comment la France a tué ses centres-villes, et qui met en exergue le rôle de l'automobile et de la mobilité. Donc ça fait quoi à pas mal de choses que vous avez évoquées. Donc moi, je voulais vous lancer sur comment vous voyez l'avenir des centres-villes dans les zones rurales. Merci. Des centres, pardon. Bourgs. Des centres-bourgs. Ah, des centres-bourgs, pardon. D'accord. Bon. Moi, l'éloge du petit commerce de proximité qu'on a beaucoup fait en France, je m'en méfie, parce qu'il a souvent été l'alibi pour faire tout autre chose qui était en fait de la cartélisation des zones de chalandise. La loi Royer, les lois Raffarin qui ont soumis l'ouverture des grandes surfaces commerciales à des conditions d'octroi très particulières, ont fait en sorte que, je ne vais pas citer de territoires proches mais que je connais bien, je vous assure qu'il y a eu des zones de chalandise qui étaient entièrement trustées par deux ou trois hypermarchés qui faisaient que les Français payaient plus cher un certain nombre de biens que les Allemands qui, eux, avaient laissé se développer le hard discount, etc. Donc ça, je vous dis ça rapidement, mais le commerce de proximité a servi bien des causes, y compris des causes qui n'avaient rien à voir avec le destin de l'épicier local ou... Alors ensuite, la vacance commerciale dans les villes, ça commence, parce qu'on est en train de sortir d'une longue période de spéculation sur la rentabilité du mètre carré commercial. Les cartons des promoteurs sont encore pleins de grandes zones de commerce qui, pour une grande partie, ne verront pas le jour, parce que la rentabilité du mètre carré est en train quand même de décliner après des années très fastes. Et aujourd'hui, on voit les grandes enseignes, y compris, essayer de reprendre place dans les quartiers, au plus près des consommateurs, avec des structures plus petites. En fait, la logistique marchande est en train d'être totalement bouleversée sans qu'on en ait vraiment conscience. Et ça va vraiment changer les choses. En fait, on est en train de quitter le modèle de la consommation motorisée. En gros, on allait tous en masse à peu près au même endroit, au même moment, acheter la même chose et on s'en retournait chez soi le consommer. Et les deux outils absolument clés de cette consommation, c'était la bagnole et le frigidaire. Voilà, pour les raisons, voilà, donc, et le congélateur qui est une extension du frigidaire. Voilà. Donc ça, c'est probablement un modèle qu'on est en train de quitter. On commence à voir des vestiges commerciaux à l'entrée des villes, souvent à l'entrée des villes que ça se passait. Et on a une logistique marchande qui se reconfigure complètement. Et alors là, quand vous parlez avec, on va publier dans quelques semaines un rapport sur cette question des transformations de la logistique marchande. C'est pas sexy, hein, c'est pas très glamour comme sujet, mais c'est vachement important parce que d'abord, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de valeur. Et puis ça rend apparent les nouveaux comportements de consommation. En fait, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à être servis chez eux, qui consomment sur Internet et qui veulent que le produit leur arrive. Ça veut dire qu'ils ne vont plus aller avec la bagnole chercher dans le supermarché. Et ça veut dire aussi que nos villes et nos territoires vont être traversés par des tas de camions à moitié vides qui polluent à loisir. Donc ça pose une foule d'autres problèmes sur les flottes de la logistique, etc. Ça pose un autre problème, c'est où sont les points d'éclatement. Les points d'éclatement, ils s'étaient situés aux abords de l'agglomération. Ils vont revenir dans l'agglomération et dans les espaces ruraux. Ils vont revenir au milieu des grandes intercos, etc., pour distribuer une zone de chalandise plus grande. Bon. Ces points d'éclatement, ils peuvent prendre une forme très professionnelle ou une forme assez amateur. On voit beaucoup se développer le dépôt. On voit revenir une forme assez élémentaire de commercialisation qui est le dépôt, avec les gens qui viennent chercher, non pas tous aux abords de la ville, de quoi bouffer pour la semaine, mais au dépôt, une partie de ce dont ils ont besoin. Donc vous posez une question qui est, je ne vais pas être trop long, mais qui est passionnante. Je ne suis pas sûr que ce qui va définir le nouveau modèle d'organisation commerciale, ce sera le commerce de proximité, mais ce qui est sûr, c'est que l'ancien modèle est en train de péricliter. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question dans la salle. Ouais. C'est bon, c'est oui. Bonjour Anne-Sophie, je suis habitante du territoire. Je n'ai pas entendu ce matin parler d'accès à la culture et de tout ce qui se développe beaucoup ici sur nos territoires. Une vraie économie autour de l'artisanat, l'artisanat d'art qui font souvent revivre des petits villages et qui du coup complètent l'offre touristique puisque moi j'habite à Sceaux, donc il y a une réserve de biodiversité dans la forêt, mais il y a aussi depuis 5 ans, le village renaît complètement, notamment par l'artisanat d'art, des événements et manifestations culturelles. Donc quelle approche vous pouvez avoir de ce que peut être l'apport de cette thématique, en tout cas de ces activités, pour que l'économie continue de bouger en rural? Alors sur la culture, moi je connais pas une connaissance fine effectivement de ce secteur particulier, mais la présence rurale de l'entrée, l'ancrage un peu culturel, il me paraît assez souvent quand même très issu d'une histoire du territoire qui, je connais un certain nombre de sites, par exemple en Bourgogne, comme ça, où effectivement il y a eu historiquement, autour de Cluny par exemple, toute un secteur d'artisanat d'art qui est ancien, qui a pu être réactivé dans les décennies passées, mais qui a un ancrage historique fort. Donc, un premier élément comme ça, c'est clairement des choses qui ne sont pas forcément évidente à développer partout. C'est-à-dire que tous les territoires n'ont pas forcément les mêmes capacités à faire émerger, à réactiver des éléments un peu qui vont s'ancrer dans leur histoire plus ancienne. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne se fait rien. Je vois aussi un peu des initiatives plus récentes qui ont été faites dans des zones relativement de rurales plus banales, dans la Nièvre par exemple, autour d'utiliser un peu le milieu agricole comme support effectivement culturel pour développer des activités culturelles itinérantes. Après, la question, elle est, on est vraiment là dans la, un peu comme on l'évoquait tout à l'heure, dans la dynamique un peu d'accompagnement, d'émergence de projets de développement dont la culture peut être un des leviers. Mon point de vue, moi, c'est que ça suppose généralement une démarche collective avec généralement une vraie capacité d'accompagnement de ces projets de développement et qui on l'a pas trop évoqué pour l'instant toute cette question d'apport d'accompagnement en ingénierie des projets, on l'évoquait en venant, où on a des évolutions assez fortes là des modèles d'accompagnement de ces projets de territoire. Je vais prendre un ou deux exemples que vous connaissez peut-être. Le pain de Beaufort-sur-Gervanne, vous êtes amateur, j'imagine, moi aussi, il se vend en partie à Paris. J'insiste là-dessus, l'artisanat est de moins en moins local. Il y a des grandes plateformes de vente comme Amazon qui ont créé des plateformes de distribution à l'échelle internationale de l'artisanat local. Est-ce que la question, c'est pas simplement est-ce que la poterie de Kliuskla attire des touristes à Kliuskla et permet au village de vivre, c'est est-ce que la poterie de Kliuskla est connue dans le sud de l'Allemagne, le nord de l'Angleterre, est-ce qu'elle peut se faire connaître? Parce que ça veut dire que le village, à ce moment-là, il produit, y compris quand il n'y a pas de touristes, y compris en plein hiver, quand il pleut, bah, on produit des poteries, etc. Parce qu'il y a un marché de l'artisanat, pardon, parce que tout à coup, il y a un marché de l'artisanat qui s'est géographiquement beaucoup dispersé. Et ça, je pense que c'est... encore un exemple, mais qui n'est pas de chez vous. Il y a un petit village dans le Cap Corse, au cœur du Cap, où il y a un type qui fait une charcuterie à tomber par terre. Bon. Aujourd'hui, cette charcuterie, il ne la vend pas. Il en vend peut-être 20%, 25% localement. Tout le reste, ça part. Bon. Donc il faut aussi que les artisans sachent s'emparer des outils qui leur permettront d'être visibles, accessibles, beaucoup plus loin, par des gens qui ne connaissent pas. Et il faut les aider, s'ils ne savent pas faire, s'ils ont la trouille, s'ils disent pas pour moi, il faut les aider. Pour ça, c'est un peu votre rôle, mais ça pourrait être aussi le rôle de cet office régional du numérique dont je parlais. C'est des choses très simples en plus, c'est vraiment pas compliqué. Si, c'est compliqué ? Se créer un marché à l'international, je pense que c'est sans doute pas aussi évident. Mais... Ok, donc c'est un regroupement de questions, en tout cas, entre deux web conférenciers, je vous le fais comme ça, mais un des enjeux des villages ruraux, c'est la reprise des exploitations agricoles, avec le risque d'agrandissement de celles qui existent au détriment de nouvelles installations. On interroge est-ce qu'il peut y avoir un changement de modèle agricole avec notamment l'impulsion ou l'encouragement à des petites exploitations familiales. Quel rôle peut jouer la collectivité autour de ces questions-là? Vaste question. Effectivement, c'est un sujet récurrent hein, qui se pose. Le constat, c'est que depuis, on va dire, 30 ans, on l'évoquait tout à l'heure, on a un modèle de développement agricole qui est basé sur la standardisation du produit, donc qui de fait va avec une logique de développement économique de l'exploitation qui est l'agrandissement des moyens de production pour réduire le coût unitaire. Donc clairement, à partir du moment où on est sur des ressources foncières limitées, la conséquence, elle est de façon incontournable, un agrandissement et une diminution du nombre d'exploitations. Donc face à ça, il n'y a pas 50 solutions. Hein. La question, elle est de développer la valeur ajoutée sur l'exploitation qui permette, si on reste, on va dire, raisonnable en termes de rémunération des actifs, nécessairement conduit à une augmentation des actifs agricoles. Donc, toutes les stratégies... et notamment en zone de montagne qui est autour de la valorisation de produits, notamment de produits de qualité, est vraiment destinée à développer cette valeur ajoutée. Donc clairement, la stratégie, elle est clairement là-dessus. Je pense que ça peut se faire par les produits de qualité, hein, à travers des AOC, mais clairement aujourd'hui, ça se fait aussi par la réappropriation de la marge qui était antérieurement récupérée par les transformateurs et la mise en marché au niveau de l'exploitation hein, pour réinjecter cette valeur ajoutée, pour, notamment dans le cadre d'organisations sur des circuits courts hein, qui permet de se réapproprier la valeur ajoutée et donc de redévelopper de l'emploi au niveau de l'agriculture. Je pense que tout projet le projet de l'agroécologique hein, porté aujourd'hui au niveau national, est clairement destiné aussi à avoir une logique de production qui soit basée plus sur évidemment les process on va dire biologiques de la production, donc peut-être moins dépendant des inputs phytosanitaires, etc. Et donc par ce levier là aussi, on augmente en autonomie sur l'exploitation, et en général, pour pouvoir mettre en œuvre ce type de système, on est clairement sur des systèmes qui sont plus sur du produit standard en grosse quantité. Donc c'est, je pense, aussi un autre levier. Donc là, il y a clairement une transition. C'était un des aspects que j'évoquais sur les pistes là, qui est vraiment de faire évoluer le modèle de production sur l'agriculture, et qui est clairement, on a suffisamment d'éléments de comparaison aujourd'hui entre les systèmes classiques et ces systèmes, on va dire, plus valorisant plus l'autonomie et l'agroécologie, pour montrer que c'est des systèmes qui sont clairement plus créateurs d'emplois. Sur le rôle des collectivités ? Alors, rôle des collectivités, c'est clair que c'est pas, il n'y a pas une compétence directe des collectivités locales, en tout cas sur l'installation agricole. Par contre, le levier de la gestion du foncier est un levier aujourd'hui qui est utilisé notamment par les agglomérations, demain sans doute les métropoles, c'est-à-dire d'arriver à travers la gestion des PLU, de réserver. Il y a des stratégies à Rennes par exemple, de vraiment très volontaristes, de réserver du foncier pour l'agriculture en zone périurbaine, par exemple, pour redévelopper des zones maraîchères qui sont c'est le cas aussi par exemple à Besançon, où il y a très gros déficit de production maraîchère, où il y a un travail de. Donc voilà, il y a le levier du foncier est évidemment assez important pour les collectivités. Merci. Ouais, peut-être une dernière question ou deux, monsieur. Jean Boursali, je suis maire d'une commune de 1000 habitants, et je suis un peu interpellé par le recours à l'autorité ou à la puissance, à un échelon un peu qui dépasse les communes et les intercommunalités. Ça m'inquiète beaucoup d'ailleurs, dans vos débats, dans vos développements de l'un et de l'autre. Je trouve que pour, par exemple, ce qui est d'une politique agricole en circuit court, produit de qualité, on a d'autres possibilités que l'intervention direct des SCOT ou des grandes procédures qui tuent un peu l'initiative à la base. Je pense qu'il est possible, par exemple, on envisage sur notre commune à Pot-Laval, de travailler avec les agriculteurs qui commencent à être vieux, et de faire un travail un peu de négociation, de sensibilisation, de préparation d'un basculement vers de l'agriculture maraîchère qui favorise le circuit court et qui élimine les intermédiaires, mots autour duquel vous avez tourné mais que vous n'avez pas prononcé. Dans l'économie locale, ce qu'il faut faire, c'est créer la valeur ajoutée, et puis éviter que des gens viennent la piquer. Donc quand on est dans des circuits courts, on favorise ça. Moi, je pense que les pouvoirs, enfin les collectivités peuvent jouer ce rôle de facilitateur, d'intermédiaire, entre ceux qui vont abandonner l'agriculture, même si c'est très très difficile pour eux, parce qu'on se rend compte qu'il y a des blocages à l'abandon de l'activité pour les agriculteurs vieillissants qui sont très très attachés à leur terre, et puis les jeunes, et nous on en a actuellement sur la commune, qui ont besoin de 2 hectares pour faire du maraîchage. Et là, il y a du boulot à prendre et de l'emploi à prendre. Oui, enfin, tout à fait. Je pense que c'est vraiment dans. Il y a vraiment des initiatives aujourd'hui qui se font quand même vraiment en développement là-dessus, avec des collectivités qui interviennent directement sur ces questions-là, et l'entrée sur les circuits courts est voilà, pas toute nouvelle, hein, parce qu'elle a quand même déjà une bonne quinzaine d'années, mais elle continue à être clairement portée. Aujourd'hui, je trouve intéressant aussi qu'on évolue là-dessus, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une entrée un peu plus territoriale, avec l'idée un peu de système, de système alimentaire territoriaux qui permettent de penser les choses de façon plus globale. C'est-à-dire sortir d'une vision un petit peu au cas par cas, réagir à des opportunités effectivement de transmission. Ça y est, ah non, c'est fini. Pour avoir une approche plus globale et essayer de voir un peu un bassin d'approvisionnement à la fois en termes de besoins et en termes de capacité de production. Donc voilà, ça donne des... Je pense un peu des perspectives dans lesquelles les collectivités, clairement aujourd'hui, jouent un rôle direct. Moi, j'ai aucune compétence sur le sujet que vous soulevez. Par contre, il y a un domaine qu'on n'a pas du tout évoqué, qui pourrait, pour certains territoires ruraux, et notamment du Nord-Est, être un facteur intéressant, c'est toute la filière bois. On a une filière bois qui est sinistrée en France. Elle est sinistrée parce que le foncier forestier est mal organisé, pas parce qu'il n'est pas abondant, il est très abondant, mais il est très très mal organisé, assez mal géré. Pour valoriser le bois de chauffe, il faut faire du bois d'œuvre, etc. Enfin, donc aujourd'hui, la France est un pays sous-développé dans la filière bois. C'est un pays qui exporte des grumes et qui importe des meubles. On est dans la situation d'un pays exportateur de matières premières, si vous voulez. Alors, je pense qu'au niveau communal, des initiatives peuvent peut-être être prises, même s'il n'y a pas de compétences majeures, mais sur le foncier, quand même, c'est un des points névralgiques. L'enjeu, c'est la biomasse, c'est le redéploiement d'une industrie aval du bois qui a quasiment disparu. Moi, quand je dirigeais Alternative Économique, j'ai acheté mon papier en Finlande. Un industriel qui faisait un peu de papier pour la presse, mais qui disait que c'était vraiment son bas de gamme, parce que son haut de gamme, c'était des papiers techniques pour la médecine, des gaz, des couches, des choses comme ça. Bon. On sait vraiment, on a le plus gros bassin forestier d'Europe, quasiment, d'Europe continentale, et on s'est fait piquer la filière bois. Il faut réagir. Il faut réagir. On a des arbres, il faut les exploiter. Bon. Alors, les arbres, ça pousse lentement, comme chacun sait. Donc, si on commence maintenant, on touchera les bénéfices dans 20 ans. Mais il faut commencer maintenant, sinon ce sera dans 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je voulais dire ça parce que je pense que on n'a pas beaucoup de ressources primaires à notre disposition en France. On a celle-là, et ce serait bien de l'exploiter. On va prendre une dernière... Pas dans la forêt de sous, hein, naturellement. C'est le foncier forestier privé le problème. Hein. Une dernière question à quelqu'un qui n'en a pas posé. Oui, bonjour. François Montera, développeur économique, Valence Roman Aglo. Moi, je voulais revenir sur un paradoxe qui m'est apparu entre les propos de Thierry Pêche qui disait en début d'exposé que compte tenu des grandes tendances d'évolution démographique, finalement l'espace rural sera de plus en plus habité par des urbains. Et en même temps, Monsieur l'épicier disait aussi, je crois juste avant, que en termes de perception, donc il relatait une enquête qui avait été faite sur la perception des gens, de leur statut, et il disait que 80% des gens dans le rural s'identifiaient comme des ruraux. Donc comment on explique ce paradoxe? Non, juste pour... quand j'évoquais les 80% des habitants, c'était des zones périurbaines qui étaient dans la logique de caractérisation des espaces par l'INSEE, étaient pas considérés, relevés des espaces ruraux, alors que dans les faits, c'est des gens qui considèrent complètement habiter du rural, quoi, de par les caractéristiques... Oui, mais est-ce que c'est seulement un problème de définition, de définition que les gens ont du rural, etc., ou est-ce que ça traduit des choses plus profondes sur effectivement comment on s'identifie finalement à ces territoires qui, dans l'évolution des grandes tendances sur lesquelles on a travaillé ce matin disent des choses en fait sur cette perception. Oui, ben c'est sûr que ça dit des choses et qui se traduisent assez directement sous une question de un peu de cohabitation ensuite, enfin de difficulté parfois de cohabitation entre ce qu'on attend hein, des territoires ruraux sur lesquels on est, pour certains en tant que résidents, donc on y attend, c'est un peu toute la complexité de cette mixité hein, dans l'habitat en zone rurale, c'est que il y a des fonctions résidentes, enfin de résidence qui sont attendues avec tout ce qui va avec, hein, le cadre de vie, l'accessibilité, et puis il y a des fonctions plus traditionnelles, productives des territoires, de ces territoires ruraux, y compris périurbains, hein, parce que on a 60% des exploitations agricoles sont localisées dans l'ensemble des périurbains national. Donc ça veut dire que c'est assez considérable, c'est-à-dire que la question du périurbain concentre là les confrontations entre les fonctions des espaces ruraux, entre les fonctions résidentielles, la fonction productive. Hein, donc une des conséquences de ces choses-là, ben, c'est bien comment on concilie sur des territoires ces différentes fonctions. Et cette question-là, elle est d'autant plus forte dans les zones périurbaines où les deux, en tout cas ces deux fonctions résidentielles et productives sont très présentes. Donc voilà, la question-là, elle se pose en termes de conciliation sur des territoires entre ces fonctions. Je crois qu'il faut distinguer ce dont parlent les gens. Est-ce qu'ils parlent d'eux ou de l'endroit où ils vivent? S'ils parlent de l'endroit où ils vivent, ils peuvent avoir le sentiment de vivre en milieu rural, ils diraient quasiment à la campagne, et tout en étant capable de dire d'eux-mêmes, je ne suis pas un rural, moi je viens d'ailleurs, je suis plutôt un urbain. C'est cette ambiguïté-là que je voulais décrire. C'est-à-dire que je pense que c'est souvent un propos sur le cadre. Et d'ailleurs, il dirait plutôt plus spontanément à la campagne. C'est comme ça qu'ils le disent. Mais moi, je ne suis pas un campagnard. Vous voyez, c'est ce genre d'ambiguïté. Et ça va être de plus en plus fréquent. Bon, ben, je pense qu'on peut peut-être clôturer sur cette note de multi-appartenance, pas forcément schizophrénique, mais qui peut-être se répond de plus en plus. Merci à vous deux pour vos éclairages et merci pour vos questions. Allez, on peut s'applaudir. Alors, je voudrais signaler à tout le monde, donc que ce soit les personnes à distance ou ici, que cette conférence a été enregistrée. Donc on a les noms de ceux qui ont parlé, on sait s'ils ont dit ou pas des bêtises, et elle sera mise en ligne sur le site internet de Cap Rural dès que possible, y compris avec les supports qui, pour certains, peut-être étaient un peu trop loin en termes visuels, mais en tout cas, c'est des éléments qu'on va mettre donc sur le site. Alors, pour continuer, je vais, avant que vous vouliez bouger, juste remettre en perspective cette première conférence, mais vous pouvez aller vous installer, cher ami, remettre en perspective que cette conférence est une conférence un peu d'ouverture, de lancement d'une réflexion, et elle n'avait pas pour objectif de répondre à toutes les questions et d'apporter toutes les solutions pour dynamiser l'économie ou les nouvelles formes d'économie dans les territoires ruraux. Donc je redis ce que j'avais dit en introduction, c'est qu'une seconde conférence nous permettra d'aller un petit peu plus en profondeur sur des expériences et avec un regard d'expert autour de, le titre n'est pas définitif, mais comment des territoires réinventent leur économie locale. Et puis la journée annuelle, donc favoriser les nouvelles formes d'économie, donc elle aura lieu, maintenant je vais le dévoiler, au Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes dans l'Ain. Donc on aura eu une conférence plutôt dans la partie sud de Rhône-Alpes, une seconde plutôt au nord-ouest, et puis donc la journée finale, si je puis dire, donc dans l'Ain, plutôt au nord-est.